Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 93e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ouais! Hey, a new challenger incoming! Woohoo! Le grand retour de Ben! Ben ouais, je sens les gars là! Il est en train de faire des niaiseries là! Wow! Ça fait différent, tu sais, format de Mario! Ouais, hein? Ça remplit plus d'espace. Plus bruyant, ouais. Prend plus de place. Je pensais à vous hier parce que j'ai croisé un homme dont le nom était Ferdinand Social. Ah ouais, hein? Nice. C'est quel nom quand même. Je vous écoutais là, puis j'étais comme voyons donc. Faut vraiment se faire des t-shirts de Ferdinand Social avec le sprite. C'est le fun, tu sais, il va y avoir comme 20 personnes qui vont comprendre. Ah, ouais, les 20 personnes les plus heureuses au monde. Ouais. Comme, oh my god, trop malade! T'es crié que ça, c'est le chandail. That's it. En Fontenesse, là. Ferdinand Social. C'est quoi ça, ouais. Ça doit être un fun Sega, mais ouais. Eh oui! Ouais. Ah, c'est oui. Que, pourquoi t'es là, Ben? Oups. Ah, c'est vrai, Sega Master GF, System. Pas assez de fil. Non, mais c'est toi, hein? Ok, je m'en tire. Ouais, Ben, fait que t'avais envie de venir faire un petit épisode? Ben oui, avant Noël. En fait, ça pourquoi je suis pas là, parce que il y a plusieurs personnes qui ont posé la question, puis effectivement, c'est un problème d'horaire. Le lundi, j'enseigne le lundi soir. Donc, c'est problématique pour moi de venir ici, là, parce que il faudrait que je parte de l'université, puis bon, et tout ça, c'est un peu complexe. Fait que, quand il y a eu changement d'horaire, là, j'ai fait, ben là, je peux plus. Mais comme l'université vient juste de terminer, yay! Ah, nice! Donc, fait que tes étudiants sont en train de brosser. Ouais, non, eux autres sont plus en train de finir le travail d'associé. Ah ouais, c'est vrai. Toi, t'as fini d'enseigner. Ton cours est terminé. Pendant que toi, tu brosses avec nous. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, je vais me faire pogner pendant le temps des fêtes. Tu sais, je vais avoir de la correction en fait. Ah ouais, exact. Et voilà. Le gros fun commence. Ouais, ouais, ouais. Simonac. All right. Fait qu'à soir, tu vas nous parler d'un jeu rapide. Ouais, ouais, un autre jeu qui est beaucoup d'émotions, puis qui soulève l'adrénaline, puis tout ça. On va essayer de pas faire de dégâts, gagnant. un autre jeu dans le slow gaming. Et puis, fantastique. J'ai failli en amener un encore plus slow, là. Mais je pense que Dominique allait m'arracher. Ah ouais, on va en perdre un, là. Ah, ça me dérange pas, moi, le slow gaming. Même que je participe, parce que c'est tout le temps des jeux NES ou des, ouais, c'est ouais, des ça, affaires dommage. Des jeux NES que je vois pas. Mais que j'ai jamais essayé. Mais ben Dom, soit il se fâche, soit il s'endort, il s'emmerde. Ouais, c'est ça. C'est deux options. deux vitesses. En tabarnak ou genre endormi. C'est beau à maison. Hein. Tes enfants ne parlent. La minute, je me réveille. Je vous rappelle qu'on n'a pas de compresseur audio. Ah oui, je m'excuse. Ouais, je crie, tout le monde crie depuis le début, ça doit crier. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner, mange la mort, la meilleure phrase. Ah, c'est de même à toutes les autres. Hey, là, mes cheveux sont encore terribles. Ah ouais, en bataille, mon gars, ça a pas de sens. Ah, ben là, je les lève un peu, sinon ils sont tout aplatis. Casque de hockey, parce que j'arrive de là. T'as du vécu dans la tête. On était pas sûr que c'était casque de hockey ou vie de bar, tu sais. Ah non, même pas, man. C'est toute ma vie autour du bar qui me magane plus que la vie de bar elle-même. Ah oui. Ouais. Dans le bar, ça va. Ça reste autour du bar, c'est pas ouvrable. Bon. T'es éméché pour le plaisir des gens. Oui, oui, je m'éméche. Tu t'éméches pas mal. M'éméche. Tu te saignes. Oui. Fini le temps d'aller porter une cassette NES pour 5$ à Jean Talon, mais Chris, tu te saignes ailleurs. Ouais, c'est clair. Ouais, là, j'ai recommencé ça. Ben, je vais en parler tout à l'heure. Là, ah, génial. All right. Fait que c'est ça, GF, sur les autres points. Avez-vous des plans dépensés au Black Friday, messieurs? Oui. Ben là, toi, déjà, on t'a vu aller, t'es raidé en tabarnouche. J'ai perdu la carte, moi, ça n'a pas de bon sens. Ah oui? T'as-tu perdu la carte? La carte de crédit! Ouais, exact. La carte de crédit était vide, fait que j'ai dit, ah, ben c'est le bon temps de la remplir, ah ouais! Eh oui! Non, j'ai commencé avec crédit vide. Avec ce magnifique 3DS XL. Wow! C'est dumb. Maintenant, l'écran, tu vas aimer, je pense. Toi qui n'aimes pas trop les... C'est mécanique sur pas les... ça des gros stickers de Mario comme celle à 200$, je trouve ça vraiment laid. Mais ça, c'est noir sur noir, c'est ton sur ton, puis c'est la petite texture de Mario, là. C'est magnifique. C'est super beau. Fait quoi, j'ai pogné ça en ligne à minuit sur Best Buy le Black Friday. Puis pendant que j'attendais pour payer à la caisse, parce que t'as comme une caisse virtuelle quand t'achètes au Black Friday, Ben, j'ai profité pour acheter Overwatch sur PS4 sur un autre site, puis j'ai précommandé Steep, qui est sorti cette semaine. Oui. D'ailleurs, j'en reparlerai éventuellement, mais Steep, grosse amélioration par rapport à la bêta. Ah ouais, c'est meilleur. Il y a beaucoup, beaucoup de stock à faire dans la montagne. J'ai tant envie de jouer, en fait. Calic. Puis c'est la faute à Nick si j'ai acheté Overwatch. À cause de la critique, j'ai été la réécouter, puis je fais « OK, je l'achète ». Bon choix, bon choix. C'est assez addictif. Puis message aux gens qui m'insultent sur Twitter, parce que je l'ai pris sur PS4, là... Je suis assez souvent sur un PC comme ça dans ma vie. J'avais besoin d'un shooter PS4, je n'avais pas. Il est excellent sur PS4, il va super bien. Ouais. Puis j'ai également eu la NES classique. J'ai eu la minute chanceuse mercredi passé. Il y a eu une fenêtre de 3 minutes, genre. Ils ont dit comme à 6h30 le soir sur Twitter, Best Buy, OK, on restock la NES classique à 7h. Puis à 6h59, j'étais refresh, refresh, refresh. Ah ouais. Disponible, clic. J'ai réussi à l'avoir. Fait qu'elle est dans le salon en ce moment. Wow. Aïe, aïe. Pis ouais, on est arrivé, pis elle était là dans le salon, t'es venu, tu nous as beurré ça d'en face. Tain, regardez-moi ça. Direct en rentrant. Est-ce que tu éprouves du plaisir à jouer à ça? J'ai pas joué beaucoup encore, je te dirais, mais Caro aime beaucoup ça, à date, tout le temps là-dessus. Ah ouais, ta femme est tout le temps là-dessus, là. Elle adore ça. T'as vois plus? Non, je la vois, mais elle m'écoute plus, elle me parle plus. Mario 3, c'est ce qu'elle fait. Caroline. Pour communiquer avec elle, faut que tu fasses une game de Balloon Fight, là. Exactement. Ouais. Ou raccourcis le fil HDMI. Oui, ben, il est déjà assez court. Ouais, j'avoue que je peux le raccourcir. Non, là, il est assez long ton setup, il était génial je dans ton salon. Faire un plus petit que ça, là. Ouais, c'était là, fort. Vous allez être bronzé, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Puis, autre dépense que j'ai faite, que j'avais oublié, ça te prend le PS Plus pour jouer en ligne. Eh oui. Fait que Overwatch et Steep, deux jeux qui se jouent juste en ligne. Fait que t'as un autre 110$ que j'avais pas prévu. Ouais, t'as pogné la nouvelle version du. De Overwatch? Non, PS, ben, PS j'ai pris une passée. Là, en fait. Ouais, mais qui est rendu 80$ au lieu de 50. Ah, fait que, ouais, c'est ça, exactement. Fait que voilà, ça a été toutes mes dépenses du Black Friday. Bon. J'ai acheté aussi deux jeux de Nintendo 3DS. Ouais. Ah. Ouais, un pour accompagner c'est la console. C'est ça, fallait que j'aie quelque chose pour jouer avec. J'ai pas joué beaucoup, je me garde mon voyage dans le temps des fêtes, là, mais je vous en reparle de tout ça éventuellement. Toi, Ben, t'as-tu dépensé au Black Friday? Oui, j'ai acheté une télé 4K. Oh! Tabarnouche. Oh! Monte dans la. 4K Gaming, fait que tu penses-tu t'acheter une PS4 Pro ou une nouvelle Xbox? Ouais, ouais, ça va être PS4 Pro. Okay. Je vais faire le passage probablement dans quelques jours, quelques semaines, là, mais très bientôt. Là. Donc, moi en attendant, je voulais. J'ai une télé HDR en fait. Donc, pour ce qui est des couleurs, je dois dire que je suis pas mal impressionné. Je m'attendais pas à ce genre de résultat-là. Surtout, évidemment, quand tu as du contenu pour ça. Là, c'est sûr que. Exact. Le gros problème de tout ça, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais ça commence tranquillement. Mais il y a Netflix, il est en 4K. Ouais, entre c'est autres, ça. Hein? C'est ça. Quand tu as des shows faites par de Netflix, là, généralement, il va sortir en 4K. Ouais. Ça doit gober du streaming, ça, en 4K. Ouais, par exemple. Ça, c'est clair que si vous êtes mieux d'avoir un forfait Internet assez important, parce que sinon, vous allez vous ramasser une belle petite facture assez vite. Là. Ouais. J'ai regardé The Crown sur Netflix. En 4K, c'est assez impressionnant, merci. Là. On le voit là. La différence est là. Quand tout le contenu là, est présent, ça fait une différence. Mais évidemment, quand tu achètes une nouvelle télé, tu as tout le temps les surprises qui viennent avec. C'est-à-dire qu'il faut que tu changes tous tes câbles. Faut que tu changes c'est ça. Bon, bref. Mais je me plairai pas, hein, parce que là, c'est un problème de riche. Okay, non, bien content de l'achat. 65 pouces en plus, c'était comme le sweet spot pour mon salon. C'est tout le temps 65. C'est grand. C'est ouais mais toi, t'as un grand plafond. Ces murs, ces plafonds sont hauts quand même. Ouais, un peu, c'est un peu vide, fait qu'il te faut une grosse TV. Là. Ouais, puis tu sais, j'ai quand même une bonne distance avec, avec mon l'endroit où est-ce qu'elle est posée. Fait que j'avais fait les calculs, puis moi, tu sais, c'est comme entre 55 et 75, là, c'est pas mal dans la. J'ai dû y aller au milieu parce que, en plus, les prix augmentent de manière drastique entre 65 et 75 pouces. Okay. Ouais. Fait que tu parles quasiment d'un 2000$ de plus pour un 10 pouces. Donc là, je vais dire que je suis assez content, je me fais bronzer de ma TV. Le rêve. C'est génial. Fait que là, ça va être des journées intenses de gaming pendant le temps des fêtes. Ouais. Nice. Toi, Dom, Black Friday. Je suis sûrement celui qui a dépensé le plus pendant la période du Black Friday. C'est mais ça. Mais non dans les magasins par rapport au Black Friday. Puis je vais en parler tantôt. Ah oui, c'est vrai, ça fait partie de ton segment de tantôt. Mais non, j'ai rien acheté, sérieux. Rien acheté. On a acheté une 3DS. Ouais. Comme ça pour un ami. Ma blonde a une amie. Son fils vient d'être diagnostiqué, genre leucémie. Très grave. Oh, il revenait de vacances, paf, ça vient d'exploser, ça. Là, OK, vous allez habiter à l'hôpital pendant 6 mois. Le petit, il va perdre ses cheveux, puis c'est tout de suite. Puis let's go, let's go. Là, c'était comme un cataclysme. Fait qu'on y a acheté ça pour l'aider là, à passer le temps là-bas. Ouais. Donc, on a profité du deal. Puis, that's it. OK. Fait que c'est ça. Excusez, hey, tu commences ça un show, toi, hein? Ouais, non, c'est... Mais bon, c'est quand même admirable, les jeunes de cet âge-là. Oh, ouais, vraiment. Tout mais le monde sont comme, oh, man. Les autres sont faits tough, en lui, exact. Il fait ses journées. Ouais, c'est ça. Ah, bon, j'ai travaillé 10 ans dans les hôpitaux pour enfants, là, puis t'en vois des jeunes avec du courage là-dedans. Ah ouais, c'est ils sont solides, là, sérieux, là. Tu seras à terre de voir ça. Mais mon fils à moi, tu sais, qui a 8 ans, puis lui, ce garçon-là, il a 6 ans, ma blonde puis mon plus vieux, ils sont allés les visiter à l'hôpital, tu sais, puis ils étaient très très corrects par rapport à ça, là. Beaucoup d'empathie, tu sais, ça m'a épaté, tu sais. Ils sont beaucoup plus courageux qu'on le pense. Moi, j'ai une amie, sa fille a eu un cancer, a perdu sa jambe. Oui, c'est vrai. Là-dedans, puis tout ça, puis super courageuse, puis même le lendemain de l'opération, en fait, elle faisait des jokes là-dessus, tu sais. Puis genre, se gratter à genre, elle disait « Ouais, hein, ça me fera plus mal, tu sais. J'aurai plus mal en bas. » Puis tu sais, elle niaisait à propos de... Parce que les enfants, c'est ça, sont courageux. Puis en même temps, ils ont plus de courage puis de résilience, vision, de résilience que nous autres, en fait. Ouais. Nous autres aussi, on est souvent plus souvent pessimistes dans la vie. Ouais. Fait que si t'arrive quelque chose de même, tu fais comme « That's it, c'est la fin. » Je me suiciderais de C'est ça. Ils en ont dedans. Là, non, ils sont très forts. Ouais. Fait que, donc, bravo les jeunes. Bravo les jeunes, mais hein, vous êtes inspirants. Vous deux, mais... je m'adresse à celui qui quitte Montréal puis à moi celui qui se rapproche du centre-ville de Montréal. Ben, moi, en fait, j'ai profité du... On pourrait dire Black Week, tu sais, parce qu'à cette heure, c'est comme une semaine qui est tendre puis que ça finit, tu sais. Puis j'avais besoin d'un nouveau PC, tu sais. Il y avait eu un. Ah oui, j'ai vu sur Internet. Fait que là, j'ai. Ah oui, je l'ai vu sur la rue. Ouais, c'est ça. Exactement, Ben. Fait que j'ai commandé ça au début de la semaine. J'ai eu quand même des bons prix pour mes composantes. J'avais attendu Black Friday. J'ai calculé et j'aurais sauvé 50$. Mais pour le prix total, quand je l'ai eu, ça fitait parfaitement. Mais. Les gars de Puro Later, ils ont sacré ça à l'avant de chez nous. Ben t'sais. Oui, pas là, d'emballage ni rien là. Non, tu sais, moi j'ai acheté une full tower, elle est assez grosse, puis après ça il y a une boîte, ça venait de chez Newegg, puis ils ont mis ça mais en équilibre sur la boîte de full c'est tower. Tellement. Puis là tu sais, je suis arrivé chez nous, puis c'est comme ben voyons donc heureusement, je suis arrivé chez nous plus tôt cette journée-là. Ouais. J'avais un événement moi aussi malheureux, tu sais, j'allais m'en aller au salon funéraire, tu sais. Ah ouais. Fait que belle façon de te starter. Ben tu sais, fait que là j'arrive là mais je vois mes pièces, tu sais, mon PC qui est là. Là je suis comme ben voyons donc. Là, je regarde, tu sais. Il y a rien, tu sais, il est juste là à l'avant de chez nous. Direct sur le perron, là. Il y avait comme un rayon de soleil qui arrivait direct dessus. Moi, c'est ça. Je vis quand même dans Schlager Maisonneuve, tu sais, puis... Ah, il y a du monde poignardé juste à côté. Tu laisses un bike détaché, tu sais, puis il y a une durée de vie d'à peu près 30 minutes. Exact. C'est vrai, hein? Full complet. En plus, tu sais, ta maison, où est-ce qu'elle est, c'est comme assez proche de la rue. Ouais, exact. C'est vraiment passant, là. C'est ça. C'est comme... Super pas loin de Schlager, à côté de la station de service. Là, je suis comme, ces affaires-là sont là, mais voyons donc, c'est une erreur, il y a quelque chose, je vais aller, tu sais. Y a rien, y a pas de notes, ils ont juste droppé ça là. Finalement, j'étais chanceux, j'ai checké dans la boîte, tout est là. Mais, tu sais, j'ai plus confiance à commander des affaires. C'est genre, la pas prochaine de bon fois ça. Quelqu'un vous demande. Ah, y a des livreurs qui sont tellement. Aujourd'hui, là, j'ai reçu quelque chose, j'étais dans la porte, dans la fenêtre, je regardais, ils ont pas cogné, ils ont signé, écrit ça sur la table, est parti. J'étais comme. Voyons, moi, si je suis dans la porte, je suis là, genre. Ben oui. Moi, ça m'a fait réfléchir sur mon approche, genre, hey, do you want free shipping? Oh yes, yes. Là, tu cliques là-dessus. Ouais, peut-être qu'il va falloir que je commence à payer, genre. C'était même pas gratuit, en plus, c'était 20. Mais c'est vrai, hein, que c'est un peu ça. Mais pourquoi c'est pas des points de dépôt par défaut, là, me semble, tu sais? Ben écoute, oui, point de dépôt ça, pour... dépend, ça dépend des compagnies, mais ça a l'air que je pense que ça doit être moins cher de se faire piquer un peu de stock puis de se faire traîner. Mais c'est vrai que. De se faire oublier en coin. Comme chez nous, si t'es pas là, ils l'amènent, genre, au dépanneur ou à la tabagie du coin. Ouais, mais ça, c'est quand Post Canada fait ça. Ça, c'est juste Post Canada qui fait ça. Post Canada est consciencieux, mais les compagnies, genre FedEx, genre Puro Later, eux autres, ils vont laisser ça là. Ils vont le cacher. Un peu, là, tu sais, genre, tu reviens, pis ils mettent une feuille d'érable sur le dessus. Ouais, exact, c'est genre. Ils ont mis ton tapis debout, ça, c'est arrivé pour vrai. Une fois, j'ai reçu une boîte, ils ont mis le tapis par-dessus. C'est comme une boîte d'un pied, tu sais. Je suis avec voyons, tabarnak, c'est pas ce qu'on a. Ouais, c'est. Fait que faites attention, dans le fond, on commande beaucoup en ligne, mais là maintenant, toujours bien d'aller en magasin. T'sais, tu le prends, tu l'amènes dans ton char, puis il n'y a pas de souci. Ah, mais en ligne, man, c'est le futur. Là. Les cadeaux de Noël, tout est batté. Ouais, ben, oui. Quand t'allais au comptoir Sears, t'allais le voir, il y a une madame qui te le donnait. C'était distribution consommateur. Ouais, exact. Comme bang, bang, bang. Voilà. Fait que là, tout a changé. Il n'y a plus de respect pour rien. Non, plus de respect. Mais non, il n'y a plus de respect. C'est une merde. Aïe, aïe. Ben c'est ça, moi, pour le Black Friday, en fait, ben c'est ça, comme tu dis, ça a été toute la semaine. Puis moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était à quel point Sony voulait qu'on achète du stock. Tu sais, il y a comme la vente, eu Sony, la vente pendant la semaine. Après ça, c'était le Black Friday. Puis là, ils disaient comme, oh, c'est pas assez, un flash sale. Fait qu'ils ont comme mis un flash sale en plus de ça. Fait que si t'achetais rien, c'était quand même un peu absurde parce qu'il y avait tellement de stock. Moi, j'ai acheté Tomb Raider, le dernier, parce qu'il était vraiment beaucoup moins cher. J'ai acheté Battlefront parce que pourquoi j'aurais pas acheté Battlefront? Genre, il est 10$. Je pense qu'il était 15. Il était 10$. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me. Tu sais, Battlefront, pour moi, c'est curieux. Là. J'ai joué. Ça, c'est l'autre jeu qui est comme Overwatch. Non, Battlefront, non, c'est le GoBots. Non, c'est le jeu de Star Wars. Battleborn. Ouais, Battleborn, c'est Battleborn, c'est GoBots, puis Overwatch, c'est Transformer. C'est vraiment ça. Mais c'est ça, j'ai acheté Battlefront juste parce que j'étais curieux, tu sais, puis j'avais essayé les tutorials il y a longtemps, puis je m'étais dit c'est pas pour moi, mais là, ben 10$. J'ai acheté ça, j'ai acheté Bound, qui est un jeu weird avec une fille qui danse, là, une affaire artistique. Oh. Sûr que t'avais pas bu. Un peu. Mais. Marche-t'es ça, marche-t'es ça. En boisson, clic, clic, clic, clic. On prend un clic. J'ai de l'argent. Mais non, c'est ça, j'ai acheté ça. J'ai failli acheter Mafia, mais je me suis dit, fuck it, je l'achèterai pas finalement. Puis j'ai acheté. C'est quoi, j'ai acheté d'autres? À 5$. Ben, Non, ça, il est venu personne souvent spécial, man, puis je l'ai jamais acheté. Non, c'est ça. En fait, non, pas 3DS. Sur Wii U, j'ai acheté Star Wars The Force Unleashed pour jouer avec mon gars. Ah ouais? Puis il est vraiment malade, ce jeu-là. J'avais jamais joué, j'ai pas écouté de critique, Force rien. Force Unleashed, le 2, genre? Il y a une version Wii U. Pas The Force. Qu'est-ce que je dis là? Je me trompe tout le temps. Okay. The Force... Awaken. Okay. Excuse-moi, j'oublie tout le temps le titre du dernier. Ben, c'était un bon jeu. C'était comme début des années 2000. Ouais, c'est ça. PS3, tu dis, wow, j'ai contrôlais des affaires avec tes mains. Non, mais c'est ça. Le dernier film de Star Wars, d'habitude, ce jeu-là, il est tout le temps comme 80$ en montant. Puis là, il était même pas 40$. Okay. Et j'ai acheté, puis c'est malade, ce jeu-là, man. C'est vraiment, ils ont mélangé. Il n'y en a personne qui a joué. Non, mais c'est ça. C'est parce que là, c'est les jeux Lego. Tu sais, d'habitude, c'est scrap de quoi, remonte-le, résous le puzzle. Mais là, en plus de ça, c'est tous les personnages de Star Wars, puis ils ont mélangé un third-person shooter puis un mech-based shooter. Et comme plein d'influences de plein de jeux là-dedans qui sont malades, là. Fait que, non, moi, je le conseille aux papas et à leurs enfants, là, si vous voulez jouer à un jeu ben, ben intense, mais avec un petit gars de 5, 6, 7 ans, ça marche. Ben, il y a la pâte à modeler aussi pour des choses créatives, là, tu sais. Des ciseaux, une colle prite, des cure-pipes. Tu sais, les cure-pipes, des bâtons de popsicle, des racoles. Ça fait tout de même. Des bâtons de popsicle. Faire une petite cabane en bâton, là, ça, là. Mon rêve, c'est. Il n'y a rien qui bâtit plus le style de soi. Attends, pour les d'homme, ça va être tout bâti. Ah oui, hein, tout... en fait, ma vie est sur bâton de popsicle. Pilotis de bâton de popsicle. Faites ta vie, toi, c'est le sac de plastique au vent, puis bâton de popsicle. C'est vrai qu'il y a un livre, tu sais, clair que. De mes tracks, ça, bâton de popsicle, c'est mon album Flotte au vent. Sur Amazon.ca, premier vendeur à Noël prochain, mon clair. Gars. C'est clair. Non, mais il y en a plein de livres. J'écoute Infoman, là, puis la chronique de la fille, là, elle est cool, là, la fille d'Infoman. Chantal madame. Lacroix. Oui. Chantal Lacroix. Elle repasse en revue tous les pleins de livres. Chantal la mort. Plein de livres guenés qui sortaient. Je suis comme, wow, n'importe qui peut faire un hostie de livre. Quasiment envie d'en faire. J'en ai fait un, fait que tout le monde va faire. C'est vrai, ça. Ouais, mais le sien était cohérent en plus, là. Ouais, il était cohérent, pis tout, c'est terrorisme. Ah ouais. Le terrorisme? Ouais. Okay. Écoute, je vais te dire en 2007. Wow! Okay. Ouais, c'était pas la girafe qui s'est pu compter, là, ça, là. Mais l'affaire de même, c'était... T'en m'as donné. Ça a bien été, ouais. Ça a pris un an. avant d'être publié. Ouais, ouais, ouais. Ça a été, non, ça a été une grosse job, là, honnêtement. J'ai fait ça entre ma maîtrise puis mon doctorat. Puis, tu sais, entre les deux, je savais pas trop quoi faire. J'ai dit, ouais. Bon, ben, tu sais, c'est le temps. Si je veux faire un livre, ça va être le temps. Fait que, mais honnêtement, tu sais, au Québec, je pense que j'ai vendu 400 quelques copies, là, tu sais. Ouais. Puis j'exagère à peine, là. Ouais, le marché est pas incroyable, là. Non, c'est en fait, faut pas que tu fasses ça pour te mettre riche, là, disons, non. En partant. Non, non, t'es chanceux si ça lève, j'imagine. Mais ta face est sur un livre. Non, même pas, j'ai pas ma face, là. Tu l'as pas mis en arrière? Non, non, non. C'est une photo. Photo stock de terrorisme. 30$ sur Getty. Désolé, Ben, 30$ c'était moins cher que d'aller chez le photographe. T'as maquillé à la face, t'as acheté du linge. Ouais. T'as acheté un col roulé, en fait. C'est parce que ouais, exact. Ouais, non, même kit. Pas. Y a-tu une cible sur le couvert? C'est sûr. Non, non, oh, non, mais il est écrit en rouge, noir et blanc. Tu sais, genre. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. Okay. Ah oui, je l'ai vu ton livre. On l'a vu à Monsieur Net. Ah oui, ça se peut. Ouais. Oh, ouais, c'était sorti dans le temps de Monsieur ouais, Net. Ça se peut. Ouais. Ben, ça m'encourage. Si mon écrivain. Ben, ouais, fais lire ton livre. Ah ouais. J'ai pas assez de projets. Je vais faire un livre. Ouais. Je vais avoir un troisième enfant en même temps que j'écris mon livre, puis mon bar, puis mon coach de hockey. C'est une très bonne idée. Tout ça sous. Oui, ouais. Ben, c'est la seule façon. All the way, là. Non, je veux pas de troisième enfant, là, c'est une joke, mais je jamais ça. Ouais, d'un coup, Catherine, écoute. Je veux jamais ça. Non, c'est pas possible. Tu m'as fait passer les ventes Sony, oui, parce que j'ai encore dépensé, j'ai oublié, j'ai passé autre chose, puis des cadeaux notamment, puis des affaires du stock de CrossFit, mais j'ai acheté aussi Mad Max, il était 12$. Oui. J'ai fait, ok, faut que je l'achète. Là, j'arrête pas de le dire au monde. Ben ouais. Colin, c'est pas cher. Ben là, ouais, achetez-le. En plus, tu t'en avais parlé, t'as fait une critique. Ouais. Puis, ah, il y en a parlé une couple d'épisodes. Ouais, j'en ai parlé pas mal. Ça, c'était comme Shadow of Mordor. Un an, tu sais, là, on sait pas, ça va être quoi son jeu cette année. Là, on était bien, là, on en parlait pas. Merci Ben, merci pour la contribution. On l'invitera plus, ce style-là. Aïe, aïe. Fait que messieurs, je vous ramène à l'ordre. Oui, ramène-nous à l'ordre parce que là, on est en introduction d'une heure. Ça dérape l'affaire. D'ailleurs, on a topé le 50 viewer live. Achievement unlocked. Yeah. Oh, yeah! C'est ça? Je fais thumbs up à Canero, ce que je me bats. Bravo! Ouais, juste dire que les let's play vont continuer, puis je vais refaire revivre le Twitch un peu. Je vais essayer ça. Bon. On a du jeu de shower. Ah, shower your dad naked. Ouais. En fait, je vais garder les let's play sur Facebook pour les codes qu'on a testés. Puis les jeux récurrents comme Overwatch, puis Steve, justement, que je vais en faire plusieurs fois, je vais les faire sur Twitch, je pense que c'est la meilleure place. Fait que surveillez ça, ça va peut-être être sur notre site web aussi bientôt. Je vais faire une section let's play dans le menu. Ouais, mais let's play, il traîne de la patte. Ouais, on n'a jamais réglé le bug, c'est mais de toute façon, je. T'as pas le temps? J'y arrive pas, man. Un autre projet. Non, mais tu manques de projet. Non, mais je me dis, tu sais, le soir, casual. Ouais, là, ouais. C'est comme s'adresser à des gens, se mettre un peu propre. Puis là, je suis comme fatigué quand j'embarque là-dessus à 10h du soir. Mon plus gros problème, moi, c'est que je suis en pyjama. Quand je veux faire ça, je suis comme, ah, fuck, je peux beaucoup me rappeler de la merde. C'est ça, tu sais, je suis comme pas présentable. Il voit pas ce que. Mais moi, je me suis rendu compte aussi que je suis pas un gamer qui parle quand je joue. Non, c'est ça. De parler à du monde, tu sais, je veux pas. Ouais, ça je vais le dire sur podcast une fois pour toutes en fait, parce que vas-y, le monde va le comprendre. Là. Je me vide le cœur. Non, mais en fait, c'est parce que moi, les YouTubers, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Tu sais, le fait de « Oh, je suis un personnage! Regardez comme c'est drôle! » Ça m'énerve un peu. Fait que quand si je fais un let's play, moi j'aurais le goût d'écouter un let's play où le gars il joue. Puis quand il y a de quoi de cohérent à dire ou de pertinent par rapport au jeu, il dit. Mais sinon, il ferme sa gueule. Ça serait tellement plate. Mais c'est ça, ça serait plate. Ben au moins, ça serait pas malaisant. Parce que c'est ça. Moi, je comprends. Mais tu sais, le gars, ouais, là, je prends un joueur. C'est ça. Cette branche-là était bien faite. Ah, c'est ça. Bien placé, cette branche-là. Un bon platformer a une branche à cet endroit. Les YouTubers qui font ça, c'est parce qu'ils cherchent un public aussi. Nous autres, c'est juste un bonus au podcast. Le monde veut le découvrir jouer. On va le faire pour le plaisir. Mais c'est ça. Mais moi, je tiens juste à dire au monde que si je fais d'autres let's play, ils vont peut-être pas être les let's play que les gens veulent. Parce que je veux pas faire un shtick de personnage. Je veux vraiment juste comme jouer un jeu, partager avec le monde. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas, vous regardez jouer puis d'attitude. T'es en train de me dire que ton nom de famille c'est pas social. Hey, ça serait un bon nom. Ça serait malade si c'était mon nom de famille. Ben moi j'ai fini Ninja Gaiden au NES aujourd'hui pour la première fois. puis de ma vie, parce que j'ai pris le temps de le faire. Oui. Tu sais, je meurs au moins 100 fois. Là. Puis quand tu meurs, exact. Tu meurs au boss de fin, il te recommence genre 3 niveaux en arrière. Oui. Puis c'est pas genre, tu meurs, tu recommences. That's it, punitif, là. C'est pas, tu recommences tes 3 vies au boss, puis tu prends un continu au dernier niveau. Non, tu meurs, tu recules, là, cette petite cave. Fait que bon. Puis je pouvais pas parler pendant que je jouais à ça, puis que je mourais sans arrêt, parce que j'étais tellement focusé. Là. Puis à force de grinder, tu sais, comme mon esprit s'est comme aiguisé, puis à la fin, je mourrais plus, tu sais. Je faisais le niveau d'une shot, puis j'allais mourir au boss. Mais comment j'aurais pu parler de faire « Oh là là, je suis un combat! » Rendu là, man, c'est comme... c'est dans une zone, là, tu sais. Vous avez le profil de speedrunner, tu sais. Eux, ils parlent pas. C'est ça. Ils sont concentrés. C'est vrai. C'est comme une tâche, là. C'est une tâche à accomplir. Regardez-moi l'accomplir. C'est plus ce niveau-là. Tout ce que t'as à faire, c'est le finir encore 150 fois Ninja Gaiden. Mais c'est aussi que quand tu streams puis que t'as une interaction avec les gens... Si t'es mauvais ce soir-là ou que t'essayes de comprendre le jeu puis tu meurs sans arrêt, tu vis aussi une humiliation ça publique additionnelle. Une couple de jeux que je suis embarqué dessus sans l'avoir testé puis je suis comme comment ça marche quand je faisais juste mourir, c'était pas. Hey, moi, Watch Dogs, j'essayais de comprendre le jeu. Il y a des lignes, des graphiques, des affaires écrites partout. Fait que là, j'essayais de comprendre le jeu. J'étais comme. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Tu sais, puis j'étais fourré quand même là, à essayer de parler aux gens. Pas même joué au temps, premier, là. Hein. Ouais, j'ai joué au premier en Chris. Okay. Ouais, j'ai vraiment. Je suis un des cinq qui l'a aimé. Ah non, je l'ai aimé puis, aussi. Puis c'est ça, puis tu sais, j'avais joué au premier, puis j'ai bien aimé ça. Puis j'étais capable quand même, je me retrouvais, il y avait des bases, mais ouais, c'est sûr le que... monde est quand même beaucoup plus grand, ouais. Puis il y a plus de choses à expliquer. Ils ont rajouté ben du fromage. Mais ça. Hey, on a totalement perdu le contrôle du show. Tout à fait. Hein. Ouais, je pense qu'on va laisser faire la discussion. Ouais, je pense. On verra. Sérieux. On va laisser faire, mais. Ben là, on a du fun. On a du fun. Ah ouais. On peut faire ça d'une traite, si ça me dérange pas. Mais pour le monde qui sont live en ce moment, restez à l'encoute jusqu'à la fin. Oui. On fait tirer un jeu. Ah oui. En fait, on fait tirer. Code de jeu. Deux jeux. Oh. Surprise. On fait tirer Lara Croft Go pour PS4. Pis snafu sur la télévision. Bonne chance pour y jouer. Sealed! Snafu. C'est bon, snafu, man. Mais non, en fait, tirer des affaires que le monde peut jouer parce que, tu sais, je suis conscient que malheureusement et étrangement, c'est pas tout le monde qui a une télévision chez eux. Eh non, c'est sûr. Non, c'est ça. On fait tirer Lara Croft Go, ce qui est très cool pour PS4, mais aussi. Un jeu pour MS-DOS. Attention! Incredible Machine. Ah oui. Ah, ça serait bon. Là. Arrêtez d'être cave, jouer à ça, deviens intelligent. C'est hot ce jeu-là. Ben oui, c'est hot en crise pour vrai. Ouais, ce jeu-là a comme changé un petit peu ma vie pendant un bout. Bref. Hey, vas-y, laissez quoi Chris, c'est fucking excitant. Vous êtes en train de briser le momentum. Deuxième jeu. On fait tirer Final Fantasy XV pour la PS4. Oh, wow, quand même, hein? Chier. Quand même. C'est ça qu'on a débloqué. Gros ce jeu, man. Fait que, ouais, on fait tirer ça. Ça vient de la carte de direct. Et ouais. Caltor. Elle était vide, ouais. Let's go. Fait que c'est ça. En deuxième partie du show, on va vous dire comment participer à ces deux concours. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute parce que c'est juste pour le direct. Ça sera pas pour le différé. Fait que, soyez attentif surtout. Soyez attentif parce qu'en plus, ça va être une question qui a rapport au direct. Si tu lâches le show, tu pourras pas reculer. Fait que là, on avait. On fait-tu les critiques pis on fait le PSX après la pause? Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va faire ça comme ça parce qu'on va vous présenter des beaux trailers qui ont été annoncés samedi au PSX. Ça va être doux. C'est quoi cet événement-là? C'est-tu vraiment le PSX le nom? Je comprends rien de ça. Je pense PlayStation que ça Experience. C'est ça. Ça veut juste dire. Il y a des affaires qui t'intéressent, man, là-dedans, même si tu sais pas. J'ai même pas regardé le line-up, mais je suis curieux. Il y a des choses. On a une bonne dizaine de vidéos à vous présenter là-dessus tantôt. Mais en. Ma seule conclusion là-dessus, c'est je pense que le E3 est mort. Regardes tout le monde fait des. T'sais, Nintendo fait leur affaire, Sony fait leur affaire, Microsoft ça doit s'en venir. C'est vrai, hein? Y a plus, t'as plus rien d'incroyable au E3. T'apprends tout dans l'année. Fait que... Ouais, puis l'organisation du E3 va faire comme Chris, nos beaux dollars. ils doivent être inquiets quand même. C'est sûr qu'ils sont inquiets, man. Ils perdent du cash. S'il y a de moins en moins de stock à voir, là, tu sais. Ah oui. Mais en même temps, je comprends les compagnies. Là, ben ouais, ça coûte cher. Pourquoi est-ce que je vais au E3 faire des bouts, payer du monde? C'est ça, puis là, t'as compétition, t'as une compétition avec que tout le monde. Je suis parké chez nous, je suis comme tant, qu'est-ce que je relis le stock quand c'est le temps. Puis dans une fenêtre, il y a personne d'autre, fait que le monde va parler exact. De toi dans deux. Pas besoin d'engager Lou de Chris, pas besoin d'avoir des filles tout nues, des chars. Hey, c'est tellement inutile ça. Quand Flow Rider il arrive sur le stage, comme quand on est fini là, ta tune, on va entendre c'est quoi. On est là pour les cassettes. Hey les gars, il arrive, il dit: hey les gars, j'aime vraiment Call of Moody. C'est Call of Duty. Ok, Call of Duty, guys, je joue tout le temps. Wow, peace, il s'en va. Ouais, c'est ça. Je joue tout le temps en dedans. Le pauvre 3, tout ce poulet d'Aimer qui va se perdre là. Eh ouais. Bon, ouais. Donc on va commencer par Bruno. Yeah, ah, boy, comment je vais commencer, moi? Ok, je vais vous parler. De Watch Dogs 2. Watch Dogs. Ouais, c'est ça. Ça a été développé par Ubisoft Montréal, Represent. Puis c'est publié par Ubisoft, évidemment. Puis moi, j'y ai joué sur PS4. Ubisoft Toronto a participé fortement aussi, je pense. Oh. Ben, en fait, le développement d'Ubisoft, généralement, ça fonctionne en codev. Fait que t'as à peu près tous les maudits studios qui participent dans les jeux maintenant. Bon. Ah ouais. Génial. Mais là, c'est Montréal qui prend le crédit. Quand ouais, même. Ben, c'est parce que le lead. Puis ouais. Ils vont donner des morceaux à différents studios. Je pense que c'est le studio de Tedford qui a fait la texture sur les arbres. Juste les arbres. C'était bien placé, ouais, c'est ça, c'était beau. Hein, s'occuper des sapins. Juste les arbres, mais les graminées. Qu'est-ce qu'on fait? Faites les graminées. Allez. Faites les graminées. Ah. Yeah! On va avoir un party de Noël cette année, les boys. Ah, ok. Vas-y. Fait que, bref, c'est ça. Bref. Comme Benoît le disait tantôt, c'est rare qu'on t'appelle Benoît. Ouais. J'ai voulu t'appeler par ton petit nom. C'est ça, fait que. Chérie. Ouais, c'est ça. Fait que, comme disait Ben tantôt, j'ai joué au premier jeu. Donc, je sais d'où ça vient, cette affaire-là. Moi, j'avais joué au premier et j'avais bien aimé Watch Dogs 1. Ouais. Sauf que, dans le premier jeu, tout était très sérieux. On était très, très, très, très, très, très sérieux. Mm-hmm. Puis on tentait fort d'être comme un espèce de mélange entre GTA, puis Assassin's Creed. Mm-hmm. Puis on avait vraiment l'impression que c'était un Assassin's Creed en GTA. Puis c'était trop... Aiden Pierce était un personnage beaucoup trop sérieux et mélodramatique. Puis c'était un petit peu fatigant. On avait de la misère à s'attacher à ce personnage-là. Là, ils ont tout changé ça. Dans Watch Dogs 2, on se retrouve à San Francisco. Puis on incarne un personnage qui est beaucoup plus intéressant. C'est dommage parce que là, j'oublie son nom à cause que j'ai parlé d'Aiden Pierce. Mais bref, ce personnage-là, lui, il va commencer. C'est un hacker, puis il va commencer en essayant d'aller enlever une preuve contre lui. Qui a été fait dans le CTOS, qui est dans le fond l'OS qui dirige la sécurité dans cette ville-là. Puis, en fait, il n'a jamais commis ce crime-là. Donc, il y a vraiment des arnaques qui se passent à San Francisco avec ce système de surveillance-là, en fait. Puis, c'est ça, il va rejoindre le DedSec. DedSec, c'est comme une association, c'est un peu comme Anonymous, en fait. Donc, c'est vraiment c'est la cyber-organisation qui essaie de combattre univers, le crime. J'adore cet univers. Je regarde ça, puis c'est tout plein de flash des affaires modernes. Là, oui. La fucking tête de cheval. C'est ça. Ben, les imprimantes 3D. C'est l'ère moderne. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'il aurait pu faire un jeu vraiment dark, puis tout ça. Puis non, ils sont allés complètement à l'inverse. Ils sont allés dans le coloré, dans le saturé, dans la joie, à la limite. Parce que ce jeu-là présente justement un protagoniste qui est comique, qui est aimable, qui arrête pas de faire des jokes. L'équipe qui est DedSec, ils ont toute leur personnalité qui est super intéressante. Tous les personnages sont vraiment attachants puis intéressants. L'histoire, des fois, se perd. On perd un peu le fil d'histoire parfois parce qu'il y a énormément de missions là-dedans. Il y a des missions principales et des missions secondaires. Et les deux types de missions sont hyper intéressants. Là-dedans, quand on veut avoir une mission, eh bien, on va tout simplement ouvrir notre téléphone qui est avec nous. On a notre téléphone intelligent. Puis là-dedans, au départ, on va acheter des applications. Pas les acheter, évidemment, en vrai. On va les acheter avec des crédits qu'il y a dans le jeu, donc ils ne coûtent pratiquement rien. Puis c'est ça, on va pouvoir installer plusieurs choses. On va avoir quelque chose pour nos missions. On va avoir comme un Google Map pour notre carte. On va avoir un genre de Shazam qui va nous aider à entendre, à découvrir des tunes. Si on passe à côté d'un char, puis il y a une tune qui passe, là, c'est comme... Ouais. Hey, il y a une tune qui est là, clac, tu l'ajoutes à ta playlist. Fait que plein de belles idées comme ça par rapport au téléphone. C'est vraiment une belle représentation de ce qu'on a. D'ailleurs, tu peux même prendre des selfies à certains endroits pour te donner du XP. Malade. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées là-dedans. Là-dedans, il faut que tu gagnes des followers, en fait. Fait que ton XP, c'est des followers. Puis, à chaque mission que tu fais, tu vas gagner des followers. Le DedSec va gagner en popularité. Puis ton personnage, il peut se battre en corps à corps. Il peut, il y a des armes. Tes armes, c'est le fun parce qu'ils sont imprimés avec une imprimante 3D c'est à l'intérieur de ton bunker. Nice. Ce qui est très cool, ce qui est très actuel en fait. Puis c'est ça. En plus de ça, dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est que le rythme est vraiment excellent. On n'a pas l'impression de jouer justement à un autre GTA ou un autre open world shooter. Pareil comme justement tous ces genres de jeux-là, parce qu'il y en a beaucoup des jeux dans ce genre-là. Celui-là, il n'est pas vraiment pareil. Là, on voit qu'on t'approche du monde. On se bat avec un fucking yo-yo. Ouais, tu te bats avec un yo-yo. Wow! Mais c'est ça, mais là-dedans, c'est beaucoup plus un jeu de puzzle. Donc, tu rentres dans une caméra, t'infiltres le système informatique, puis tu vas essayer de hacker jusqu'à temps de te rendre à ta cible. Tu vas aussi avoir là-dedans un drone, puis une espèce de petit bolide RC que tu vas pouvoir promener, puis tu vas pouvoir être à l'extérieur d'une scène, d'une zone rouge finalement où tu n'as pas le droit de rentrer, puis tu vas pouvoir aller, faire une détonation sur une trappe, attirer l'attention d'un personnage pour l'amener dans du point A au point B. Tu peux même avec ton petit bolide téléguidé arriver vers un personnage pour faire comme... t'sais, moi j'ai joué à la version française, puis il dit hey, toi, t'as un gros cul! Puis là, il gueule ça au gars. Là, le gars, il se retourne, hey, qu'est-ce que c'est? Puis là, il s'en vient, t'sais. Puis j'étais dans une prison, entre autres, j'étais dans une prison comme Alcatraz pendant une mission. C'est mauvais d'avoir un gros cul dans une prison. Mais le gars, il était là, puis t'sais, il y avait une cellule, puis je l'ai amené dans la cellule. Après ça, j'ai hacké la cellule pour qu'elle se ferme. Puis le gars, il était pogné en dedans. Tu peux aussi, ce qui est le fun, tu peux aussi caler un hit sur une personne. Donc disons qu'il y a un malfrat qui t'empêche de passer, ben t'amènes un gang rival à attaquer ce gars-là. Fait que là, c'est comme tu tacks son téléphone, puis tu sais comme, ok, lui c'est un crotté. Là, ah, ok, on a trouvé c'était qui le badass qui a tué notre ami. Ils s'en vont dessus. Là, c'est hot, hein, tu fais des guerres de gang, puis même des fois tu peux aussi caler la police. Fait que des fois, tu peux caler une guerre de gang puis une guerre de police l'un envers l'autre. Nice. C'est vraiment hot. Tu peux vraiment comme hacker tout le monde comme ça. Le hacking, ça va évidemment t'sais, au char aussi, au système de sécurité, aussi à tout ce qui est cellulaire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que là-dedans, il y a des... là-dedans aussi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont tout le temps dit « Ah, c'est pareil comme Driver San Francisco pour ce qui est du driving et tout ça. » Ben là, ils l'ont owné parce que tu as une application qui s'appelle Driver SF. Wow. Fait que quand tu as des missions à la Driver, ben tu t'en vas dans cette application-là. Il y a énormément d'humour dans ce jeu-là. Les memes, toute la culture Internet, ils l'ont eu à 100%. C'est vraiment ça, là. Ça, c'est hot en Chris. Ils ont vraiment réussi à prendre le ton et à s'inspirer de ça. Ouais, excuse, JF, il y a tellement de choses à dire. Je pourrais durer encore 10 minutes. Mais rapidement, d'autres choses à dire là-dessus, c'est que il y a même des conversations super intéressantes. Quand tu fais une ride de char, t'as pas le goût de skipper la scène parce que dernièrement, tu sais, je faisais une mission puis les gars, ils sont en train de s'assiner une discussion de gays qui se disent comme « Ok, Aliens versus Predator, c'est qui le meilleur? Est-ce que c'est Alien ou Predator qui gagne? » Il dit « Ben, ça dépend ce que Schwarzenegger est là. Ils ont 100 sacs de Schwarzenegger. Ok, puis le Alien, c'est l'Alien de James Cameron. » Tu sais, puis des références comme ça, puis c'est pas comme James Bameron ou un affaire de main. Non, ils disent les vrais références. fait que c'est vraiment cool. L'univers est riche, puis t'as tout le temps le goût d'entendre ce que le monde dise. Quand tu vas hacker un téléphone, tu vas hacker une conversation. Les conversations sont intelligentes. Toutes ces personnes-là qui sont dans le monde vivent. Le monde est riche, puis le monde vit. Fait que c'est vraiment intéressant de découvrir tout ce qui se passe là-dedans. Puis côté gameplay, c'est vraiment impeccable. Il y a vraiment une tonne de choses à faire. Puis il y a tout le temps du nouveau gameplay qui s'ajoute sans arrêt. Ça fait énormément d'heures que je passe dans le jeu. Puis sérieusement, j'arrêterai pas avant d'être rendu à 100%. C'est vraiment cette année, je sais pas si c'est mon meilleur jeu, mais c'est le jeu le plus addictif auquel j'ai joué. Je suis littéralement pas capable d'arrêter. Puis il y a d'autres jeux qui sont en train de s'empiler en arrière. fait que c'est ça. Fait que bref, puis aussi multijoueur. Très rapidement, multijoueur, c'est du multijoueur qui est intégré au jeu. Donc, t'as quelqu'un qui peut te hacker, qui essaye de voler tes données. Faut que tu cours après, faut que tu le tires. Il y a quelqu'un aussi qui peut se joindre à toi pour faire des missions coop, des missions qui sont vraiment bien réalisées, bien montées. Donc, c'est vraiment du seamless multiplayer. Sérieusement, ça casse pas tant le rythme. Okay. Moi, j'ai l'impression de jouer à une mission solo. C'est juste qu'il y a un autre bonhomme, puis il y a son handle name par-dessus lui. C'est tout ce que ça change. Okay. Puis aussi, quand tu te fais voler tes données par quelqu'un d'autre, t'es vraiment tabarnak. Parce que des fois, tu t'en vas faire une mission, puis là, c'est comme M398 est en train de te voler tes données. Comme, tabarnak! Là, tu cours après, puis là, t'essayes de le pogner, tu le cherches, tu pars ton drone... Tu sais, c'est vraiment excitant. T'es tout le temps sur le gros nerf à savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que, puis le driving là-dedans est écœurant. Fait que, bref, j'ai des tonnes de choses à dire qui sont excellentes sur ce jeu-là. C'est un must-buy. Je lui donne. Vas-y. Un 4.5 sur 5. Non, c'est pas une note parfaite. Il y a quand même des petites erreurs, des trucs de texture, de popping. L'histoire est inégale. On se perd complètement dans l'histoire. C'est aussi un peu bizarre quand même qu'un gars qui mitraille un gang de rue puis qui est poursuivi par le FBI. Après ça, il arrive puis il voit ses chums et « Hey, mon pote, est-ce qu'on se tape le nouveau film? » Puis tu sais, il est vraiment joyeux puis il est tout le temps « Hop, la vie, mince, il est recherché par plein de monde. Mm. » Puis il y a des affaires horribles. Il vient de tuer 90 gars, tu sais. Ce côté-là, des fois, est un peu weird. Ouais. Mais en même temps, si on le compare à d'autres jeux, c'est vrai que dans GTA, ça arrive. Dans d'autres jeux aussi, ça arrive où les gens sont poursuivis puis sont dans marde jusqu'au cou puis ils font encore des jokes. Mais c'est pas pour ça. Moi, c'est plus pour les trucs de texture. Le multijoueur, j'en aurais peut-être pris un peu plus. Et les gadgets, j'en aurais pris un peu plus. Je serais peut-être allé au-delà de ce qui est réalisable dans la vraie vie. Ça, c'est un des éléments de Watch Dogs, c'est que ça pose beaucoup de questions qui sont effectivement dans le milieu de la sécurité. Là, c'est des questions qui sont réelles et qui sont, qui sont des problématiques actuelles ou en devenir. Fait que, ben, le vol de l'identité, déjà, principalement, ça parle de ça. Ils ont fait une association avec Vice aussi. Ils ont sorti un documentaire là-dessus qui est très intéressant. J'invite tout le monde à aller le regarder. Puis c'est ça, c'est sur le vol d'identité puis sur le fait à quel point avec notre téléphone cellulaire, juste avec ça, les gens sont capables d'avoir toutes nos informations, toutes nos affaires, sont capables de faire ce qu'ils veulent avec ça. Les compagnies sont capables de faire ce qu'ils veulent avec ça aussi. Donc ça pose des questions, tu te poses des questions toi-même, puis tu sais, tu rigoles, mais en même temps t'es un peu comme oh shit, on est là. Ouais. C'est pas un jeu qui est si loin de la réalité que ça. Fait que c'est ça. Sur ça, je vais arrêter avant de faire une critique de 30 minutes. Ben là, c'était actif. On va aller dans un peu plus slow, je pense, là, avec Ben. Oui. Ouais, retour du slow gaming. Donc, je vous ai apporté, en fait, un jeu que j'ai terminé quand j'étais jeune et puis je m'y suis remis récemment. Puis, j'avais un excellent souvenir de ce jeu-là. Puis, ben, c'est quand même bon. Je suis retourné là-dessus, Destiny of an Emperor. En fait, c'est un RPG, puis moi je considère que c'est vraiment un hidden gem dans le sens où c'est un des jeux que souvent les gens n'ont même pas entendu parler. Puis dans les ceux qui aiment les RPG, il y aurait tout intérêt à l'essayer. Donc ça a été au NES. Ouais, au NES en 1990 pour Amérique du Nord, puis 89 au Japon. Tu sais, moi, j'étais un gros fan de Capcom, puis j'ai jamais entendu parler. Mais c'est ça, c'est peut-être à cause qu'il était tard quand même d'en sortir. Mais je suis surpris que ça soit développé par Capcom. J'étais sûr que c'était genre un jeu de Koei avec toutes les fucking l'empereur c'est ça, exactement. Et puis Bandits of Ancient China. C'est ça, en fait. Scan, tout ça. Là. On est tous dans cette lignée-là. Là. Ceux qui ont joué à Romance of the Three Kingdoms. Ben, c'est exactement les mêmes personnages. Ah, que vous shit, avez... Papa Cassette, t'es en train de mourir. Ouais, ouais, écoute, j'ai amené quelque chose grave. Qui est... Ton livre, man, ton livre, faut pas qu'il se finisse là. J'ai pas sorti mon livre. Ça va être dans mon livre, ça. La fois où je suis mort. Donc, on est vraiment dans un RPG qui ressemble beaucoup à Dragon Warrior. Et Colin! Donc, ceux qui ont joué à Dragon Warrior là, vont retrouver pas mal le même type de... T'es gratis avec le Nintendo Power. C'était bon, Dragon Warrior. Mais là, t'as un crew, par exemple, comme dans Final Fantasy. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un des forces de jeu-là, par ailleurs. T'as un peu basé sur Romance of the Three Kingdoms, où t'as beaucoup de généraux. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, tu peux avoir une équipe de 7... toujours actif dans ton groupe. Mais il y en a 150 que tu peux recruter au total. Puis dans ton team, tu peux en tenir 70. Fait que ça fait en sorte que tu as beaucoup de gestion de généraux à faire. Puis là, on de passer ton temps dans les menus. Ouais, aussi? Ben c'est ça. Ça c'est un des problèmes. C'est-à-dire ouais. que tu sais, c'est sûr que tu vas aller chercher. Il y en a que tu sais, c'est comme des no-brainers. Là, si ouais. tu connais un peu la mythologie autour de toute cette période de l'histoire-là. Ouais. Zhang Fei, Zhao Yun, les UBI, Zhu Jiliang, tu vas toutes les prendre, là, tu sais, c'est sûr. Par contre, clairement, si t'es pas dans cette. Si t'as jamais entendu parler de ça, tu sais, tu vas regarder, tu vas faire des comparaisons, ouais. là, ça peut être long. Rien à voir avec la voix, là, tu sais, c'est vraiment plus compliqué ouais. que le personnage. Ouais, c'est sûr que dimanche soir, la voix ou ça. Ouais, ouais, non. L'autre élément de ce jeu-là, c'est que il y a beaucoup de. Tu sais, t'as des items qui sont un peu. Tu sais, souvent dans les RPG classiques, tu sais, bon, une épée, une dague, si ça, c'est assez standard, mais il y a des items là-dedans qui vont être. Différent parce qu'on est dans la Chine, disons, médiévale. Fait que il y a des items genre, je pense que c'est des pepper, quelque chose, là, mais en tout cas, c'est des espèces d'items qui sont super utiles. Puis que, ben, tu penseras peut-être pas que c'est super utile au final à cause du nom. Fait que faut vraiment que tu ailles fouiller un peu, faut que tu fasses un effort. Là, on voit un combat, c'est vraiment l'affaire la plus laide au monde. Ça, c'est, ouais, c'est, hein? c'est vraiment, ça, c'est vraiment oh. un des points faibles. Les combats sont assez arides. C'est dry, là. C'est drabe longtemps. Puis en fait, ce que c'est que les points de vie, en fait, c'est comme des troupes. Fait qu'imaginez que vous faites, il y a des combats, puis les troupes diminuent au fur et à mesure que les généraux se battent ensemble. Waouh, ouais, ça se rentre dedans. Ouais, là, tu sais, là, c'est all out. Puis généralement, là, je vous pensais que c'était un après l'autre, comme dans Final Fantasy. Ben, tu peux faire la bataille de manière tactique où tu dis, OK, tout le monde se bat le plus rapidement possible, all ouais. out, là. Ah ouais, ouais. L'affaire étant, c'est que quand tu fais ça, tu finis par le faire souvent pour les petits combats modernes, puis quand t'es dans les combats plus importants, là, tu vas être plus tactique. Fait que ça, au moins, ça permet d'être plus rapide dans la gestion de certains combats. Mais encore là, tu sais, on s'entend, là, c'est pas glorieux. Autre chose, les villages sont relativement vides. C'est-à-dire que le jeu est axé beaucoup sur le combat. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toute la mythologie, l'histoire qui est en arrière. J'aime les visages aussi, hein, ouais. Ouais, les personnages, hein, ils sont bien faits. Ça ressemble au Chevalier du Zodiac un peu. Oui, c'est vrai. Dans le temps, c'est vrai, c'est vrai. Puis souvent aussi, tu vas voir que les personnages ont une personnalité. Puis quand ils prennent la parole, ben, ils ont comme un kick intéressant. Fait que ça, c'est drôle. Faut que tu sois, évidemment, tu sais, moi je me souviens que la première fois que je l'ai joué, écoute, j'étais pas super bon en anglais, j'étais jeune. Là, tu sais, probablement que je comprends des choses que je comprenais pas quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de double sens. Des fois, faut que tu sois capable de lire. Puis, il y a des éléments, évidemment, qui sont en lien avec l'histoire profonde de la Chine médiévale. Fait que, tu sais, c'est ça. Encore une fois, faut que tu prennes le temps. En fait, le gros point fort de ce jeu-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup la gestion du personnel qui est intéressant. Pour un RPG de cette époque-là, c'est plutôt rare. Ouais. Puis, il y a quand même beaucoup d'éléments à visiter. Tu sais, tu te promènes, puis le jeu, il est quand même relativement long. Il y a pas mal de contenu. Il y a pas mal de contenu, mais il y a pas mal de contenu dans une optique où à peu près ce que tu fais, là, c'est te battre, te promener dans des petits villages qui sont assez vides. Fait que, ça, c'est comme... T'as jamais à te rendre à un boss, genre? Ouais, il y a des boss, va dans la caverne tuer une affaire, tu sais, un peu... Il y a des boss, mais, tu sais, c'est pas le gros char, là, on s'entend, là. C'est vraiment... Mettez-vous dans l'idée que c'est un contexte de guerre, ouais. Puis tu ramasses des gens pour aller faire la guerre. C'est essentiellement ça. Une des forces de jeu-là, par rapport au RPG classique, c'est que les personnages bougent vite. C'est niaiseux, là, mais ça, c'est le fun, ça. Non, hein? Tu sais, au moins, t'avances. Ah, ouais, ouais, je me souviens du Dragon Warrior, là. Ah, c'est long. C'est malade, toutes là. Les crises de casse pour trouver l'armure de Godric. Non, fait que ça, au moins, ça, c'est un des éléments. Fait que, tu sais, j'ai fait pas mal le tour, honnêtement. Ça va assez vite. C'est pas un jeu, tu sais, qui est extrêmement difficile à maîtriser. Oui. Mais il y a quand même une certaine profondeur. Les points faibles, c'est les combats, c'est-à-dire que c'est lettres, puis les sons, là, c'est vraiment affreux, là. Honnêtement. Là, ouais, surtout quand t'es à côté de Final Fantasy. Ouais, c'est... là, c'est ça, là, t'es vraiment ailleurs. Ah ouais. Tu sais, honnêtement, moi, c'est tellement, là, les sons de combat me tapaient tellement ses nerfs qu'à un moment donné, j'ai joué plus de sons, là. Ah ouais. T'attaques. Puis en plus, tu sais, de cette époque, là, où les textes, t'es. T'as ça là, tout le temps. Là. Fait qu'à un moment donné, tu coupes le son, t'es comme, gars, je suis plus capable. Fait que pour toutes ces bonnes et mauvaises raisons, t'es prêt? Je lui donne un 4. Donc, c'est un hidden gem, honnêtement. Ceux qui aiment les RPG vont aimer ça. Ça vous met dans un autre contexte. La musique est intéressante aussi. Ça, c'est un élément que j'ai oublié de mentionner. La musique, c'est une musique asiatique, mais 8 bits. C'est particulier. Là. Ouais. Fait que c'est rare qu'on voit ça. Puis c'est vraiment intelligent. Il y en a beaucoup qui, par ailleurs, dans les critiques de l'époque, qui disaient « Ah, tu sais, vous devriez l'essayer. C'est quelque chose que... » Puis finalement, c'est comme passé vraiment en dessous du radar. Parce que Nintendo Power n'a jamais vraiment parlé non plus. Non. Puis à l'époque, ben, Tu vivais ou tu mourrais. C'est ça. C'était un peu ça. Donc, je vous invite au moins à l'essayer. Puis si vous êtes un RPG fan, puis un Romance of the Three Kingdoms fan, vous allez assurément aimer ça. Là. Il est 35 US dans mon application présentement. Je serais curieux, j'ai pas regardé l'année, mais ça doit être un assez late release, ça, pareil, de 90. Ouais, ben, c'est 91, Super NES. Je m'en rappelle plus. Ok, oui. My God. Ouais. Ça, pas bon dans les années. Ouais, il me semble que c'est 91, pas mon souvenir. Mais... Ouais, il me semble que c'était ma référence. Mon monde s'écroule, moi. Je suis là. Tout ça n'est qu'un mensonge. Tu sais bien. Tu me connais. Tu piques des photos du monde sur un autre groupe qui n'est pas mort. Puis il pose. Hey, j'ai acheté rien. C'est vrai, je suis un nuage. Super Mario. Super Mario. Qui c'est qui rit de mal? C'est moi. Je pensais que c'était Bruno. Il m'a regardé, mais... Ça fait de quoi que ma face? Aïe, aïe! Je comprenais plus rien. Ah, j'aime ça. Ça, c'est quand même manque d'air. Ouais, c'est ça. Ouh. Ah, boy. Tom, t'as pas de critique aujourd'hui? T'as quelque chose d'autre à nous parler? Ouais, man. Tu ses pantalons. Ghislain Comtois. Il y a quelque chose d'autre à nous montrer. Ghislain Comtois nous dit dans les commentaires que c'est la Super NES sortie en 91. Ah. Et voilà. Voilà. Ben oui. Et voilà. Nicolas, il est bon. Il va être futur professeur. ouais, moi, je vous le dis, moi, avec. J'aimerais ça qu'il enseigne à mes enfants. On verra. Fait que, non, vu que j'ai rien joué. Je viens de finir Ninja Gaiden pour la première fois de ma vie. Ce qui est pas rien. Mais je vais pas parler de ça. Je voulais parler. J'ai passé les deux semaines dans le NES, dans les cassettes. Ouais. Dans l'acquisition, le ménage, la revente. En fait, la revente, j'ai commencé aujourd'hui. Ceux qui ont écouté le dernier podcast de Papa Cassette, j'en ai parlé. Je parle bien gros de NES dans ce podcast-là. Ouais. Puis, dans le fond, moi puis Fred Gémus, on a acheté le restant de collection à quelqu'un. J'en ai parlé ici, hein, ça aussi. Oh oui. C'est fait, on a acquis ça. On a fait tous nos upgrades, toutes nos cassettes, tout est là. On est tous bien primés. Il nous manque chacun genre 50 jeux pour finir le complete set. Mm-hmm. Fait que là, je suis en mode revente, dans le fond, des doublons de cette collection-là. J'ai tout... Est-ce que Fred Gémus et toi, vous faites une course? Non. Ah... Mais ça a été là quand même, tu sais. Ouais. Une course ultra média socialisée, tu sais. Ouais. On veut assister à ça, là. Ben écoute, en même temps, on est plusieurs à essayer de le finir présentement. Là, Max Desjardins, Thomas Lacombe, tout ça. Brian Lajoie vient de le finir. Pourtant, lui, c'est. Ah, c'est pas un newcomer. Il attend ses prix, tu sais. Okay. Mais le complete set, il l'a pas starté de façon. Tu sais, comme moi, je viens de décider ça. Suite à cette opportunité-là que je voulais le faire. Mais avant, c'était pas tout dans mes idées, puis je ramassais des jeux de même. Puis là, l'opportunité s'est pointée, puis paf, ok, ouais, je vais le faire d'abord. Ah ouais. Fait que c'est ça, c'est une décision, tu sais, c'est comme déménager à Boucherville. Tu fais pas ça, c'est un coup de tête. C'est longuement mûri. Ah ouais, faut que ça vaille la peine, tu sais, check tes options, tout ça. Fait que j'ai passé la semaine à faire ça, à tout reclasser, c'est genre 500, 600 cassettes-là chez nous. Ouais, quand même. Ça prend de la place, là, je capote. Les assurances doivent t'aimer. Ouais, ben les assurances, ça, fallait que je check, mais d'après ce qu'elle m'a dit, je suis couvert si je fournis des preuves. Puis aussi, mes preuves, faut que ça soit fait par un spécialiste. Je disais à madame, ben, je suis pas mal le meilleur spécialiste là, qu'on pourrait contacter pour ça. T'sais. Fait que là, faut juste. Ben, j'ai des preuves, tu sais, je crisse des photos sur Internet, j'ai mes applications, j'ai mes affaires. Ben, admettons que Jean, tu lui présentes une vidéo faite par Bruno que t'appelles Papa Cassette. T'sais. Ouais, je pense que ça peut marcher. Connaissez-vous, monsieur Georges? Il était à télé payante! j'arrête pas de niaiser avec ça. Je suis content parce que là, c'est revenu. Là, c'est en feu, là. C'est trending. Trending, Bruno, le gars de la télé payante présentement. Ben, on capote. Tout le monde chute des tacles avec ça. Du câble ici, tu sais. Ouais, deux gars du câble dans la place. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc, pour le full set, moi, je suis... Hey, je vais sortir ma liste qui me manque. Parce que là, le stress, c'est que les prix montent à chaque fucking mois. Ouais, là, ouais ça arrête plus. Fait que, faut que tu te dépêches d'acheter les gros titres. T'as-tu Panic Restaurant? Ouais. J'ai Panic Restaurant. Les gros jeux qui me manquent, c'est Flintstones, Surprise at Dinosaur Peak, qui est le deuxième jeu de Flintstones. Je me souviens d'avoir joué à ça en plus. Ouais, hein? Ah ouais. Ben ça, c'était juste dans les blockbusters, ce jeu-là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça vaut cher, comme ouais. Ton Samson, tout ça, c'est genre sorti nulle part. Samson, je suis moins sûr. Petit Samson. Mais Samson, il a passé par-dessus Flintstones en ouais. Valeur parce que il est plus le fun. Il est bon. Hein. Ouais, c'est ça. Il est vraiment le fun. Fait que, mais Flintstones, ça vaut à peu près 1000$. C'est ça qui me manque présentement. Et puis, je viens de... Hey, puis j'ai joué, là, ça Everdrive, c'est correct, là, mais 1000$. Ben non, c'est pas 1000$ fun. Tabarnak. C'est pas le fun. Tu sais, comme... Il y a rien qui est 1000$ si tu veux, fun, à mon avis. Tu sais, comme Ninja Gaiden, ben, ça vaudrait... Tu sais pas où aller, toi. Ah, il y a moyen d'avoir du vrai fun pour 1000$. Un tour d'amphibie, bâton rouge, des courses de cheval. Tu vas aller sur le fleuve, là, tu sais. Ma blonde, elle rêve de faire un tour d'amphibie. Ah ouais, je vais le faire à un moment donné. J'aurais pensé bateau mouche, mais là. Non, non, amphi fucking bee. C'est assez malade. Calme. Puis, donc, après ça, dans les gros jeux qui me manquent, là, je dis ça purement pour que vous me fassiez des cadeaux, les gars. Die Hard, qui est rendu à 150$, un jeu de caca. C'est ça qui fait mal. Faria, ça serait peut-être un bon jeu slow gaming, ça. C'est un RPG au NES. Fire and Ice à 230. C'est tous des prix US que je vous dis là en passant. Kid Clown à 2,83. Puis, mais moi, à mon avis, là, tu présentes ton dossier à une banque, puis tu dis, gars, augmentation assurée de 30% à un mois, ils vont te le prêter. Ben, c'est ça la joke. Sur le genre, probablement que c'est investi dans une collection full set NES, v'là 5 ans versus la bourse, là, mettons. Ben, là. Moi, je suis pas mal sûr. Si j'avais, mettons, 40 000$ à investir, j'aimerais mieux acheter 40 Flintstones. Que mettre 40 000$ à la bourse. Ah ouais, parce que je le sais que je vais faire du 35% là, à chaque année, tu sais, puis que je vais doubler ma mise. Là. En plus, si t'achètes plusieurs fois la même copie, du même jeu. Tu crées exactement. Tu peux assez, tu sais, mec. Là, des explosions de dollars. Je vais pouvoir me donner un cours sur la fraude, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, c'est ça, c'était peurant, mais en même temps, tu te dis, si jamais je suis dans la merde, tu sais, je vends tout ça, puis je vais faire de l'argent avec ça. C'est pour ça que dans le milieu, vous appelez ça communément de l'or. De l'or gris. C'est de l'or. Puis, faut faire attention, tu sais, comme parce que aussi, moi, je collectionne Atari. Là, j'ai slacké un peu, mais tu sais, quand t'achètes un jeu d'Atari à 100$, tu vas avoir de la misère à le revendre localement à 100$. Vraiment possible. Faut que tu te battes sur Internet, le mettre à bien des places. Mais le NES, tu sais, à matin, j'ai affiché nos 100, 200 quelques jeux qu'on a à vendre, je sais pas quoi. Puis c'est tous des bons jeux. Là, ouais, parce que c'est des doublons, des collections que nous, on a déjà. On a toutes les Castlevania, toutes les Gaiden, fait qu'on revend ça. Là, ça a explosé, man. J'ai fait ça toute la journée. J'ai shippé, je reçois des messages encore tantôt. Ça va vite, vite, vite, vite. Fait que... Puis je vois qu'il y a du monde aussi qui se garoche sur des fillers, tu sais. Les fillers montent de prix, là. Ninja Crusaders de Sammy, là, c'est très moyen comme jeu, là, tu sais. Puis c'était 15$ l'année passée. Puis là, on le vend 40. Puis il y a 3 personnes aujourd'hui qui le voulaient, là, tu sais. Mais des fois aussi, c'est quand c'est le jeu de ton enfance, tu sais. Ouais, comme le jeu que t'as. Le ben jeu toi, que c'est Amagon. Ou... Ouais, exact. Ils montent pas vite, mais tu sais, on travaille là-dessus. Ouais. En le moment. Mais moi, il y a ça, puis il y a aussi, tu sais, Bad Dude. Bad Dude, je l'avais. Ouais, mais ça, c'est vraiment pourri. C'était un achat d'imbécile, mais je trouvais que la pochette était malade. Ouais. N'importe quoi qu'il y avait d'Ataïs dessus, je trouvais ça malade. Ouais. Mais c'est la version d'arcade est bonne. Ouais, la version d'arcade est vraiment décent. D'ailleurs, on a la version PAL à vendre. Ça s'appelle Bad Dudes vs Dragon Ninja. Ouais. Rien que pour le titre, je vous recommande de m'écrire dès maintenant pour l'acheter. Tu pourras pas jouer chez vous, mais. Ben, je peux jouer à Bad Dudes. Ouais, c'est ça. Mais je veux pas parce que c'est. Mais je pense que c'est un peu ça pareil. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont nostalgiques. Puis juste. La nostalgie, c'est plus fort que le goût. Ouais. Mais aussi, tu sais, il y a du monde qui commence à collectionner. Ils tirent un peu à gauche, à droite. Ils savent pas trop. C'est comme wouhou, j'ai un petit lot. Puis là, dans le petit lot, il y a un fucking Captain Skyhawk, puis un Top Gun, puis Parce qu'ils sont pognés avec ça. T'sais. Ouais, Captain Skyhawk, je te ça lève pas. Bon, Top Gun, ça lève pas. Tu sais, t'es pogné avec ça. Là, ça. Hey, Jeff, j'avais des photos. Ouais, mais tu sais, montrer parce que. On est rendu là déjà. Ok. Voici, on va y aller. On va y aller vite, vite. Ça, c'est ma collection présentement. Voyez autour du rectangle, non, dans le haut. On parle aux agents d'assurance. Ouais, c'est ça, on parle aux assurances. Ça, les assurances sont là. Les deux rangées à droite ici, quand je vais avoir complété le set, ça va finir flush ici. Fait que ça fait les quatre rangées en haut. Les quatre rangées en haut vont contenir le full set. Et c'est variant label. Fait que de proche, ça a de l'air de ça. Fait que moi, je me masturbe en regardant ça. Là, j'aime bien, bien ça. Prochaine. Ouais, ça, j'avais tout ressorti chacune des cassettes qui avaient besoin d'un nettoyage. Oh. Fait que j'ai passé crissement du temps à tout nettoyer chacune des cassettes qui avaient besoin de ça. Recoller des petits coins. Ça, c'est mon coin nettoyage. Yé, papa! Ce papa produit-là. Est très fort. Papa est très fort. Oui, c'est mon apron de fête des pères que j'ai pris. On sait pas, t'es fort au quoi, par exemple? Ouais, au hockey. Papa ici, est très fort au hockey. Soccer aussi en bas. On faisait des jokes de colprite tantôt, mais. En dessous du. Ah, ben, qui aurait cru, hein? Mais Jeff, enlève-le pas dessus. Tu sais, c'est écrit papa est brûlé. Ouais. Papa, tu es cerné. Je t'aime moins. Je t'aime mieux. J'ai peur un peu de toi. Mais ce produit-là que vous voyez à droite, le dégommeur, le Goo Buster, là, ça, t'enlèves tout le fucking feutre sur les cassettes avec ça. J'ai ça jamais tue vu. Un chat, ça. Ah, ça, là, ça peut tuer tous les fucking chats. C'est parfait. Du psh, d'en face. Sérieux, je niaise pas, là. Ce produit-là, c'est révolutionnaire. Collectionneurs, écoutez ça. Oh, fait que ça, c'est mes gros hits. Aïe, là, ça fait mal. Ça, c'est joli. Ça, ça coûte cher. Mais c'est beau. Il y a des jeux là-dedans que j'ai payé le prix du marché présentement. Il y en a que j'ai payé crissement pas cher. Ton panique restant, c'est le vieux, le même de 3 ans, cette affaire. Ouais. Nice. Je l'ai payé 350, il en vaut 800. Hey, ils ont bien les choses, c'est pas bien bon. C'est à gosser, c'est à essayer. Ouais, je sais pas. Fait que là, toutes mes boîtes qu'il y avait, j'ai été obligé d'écrisser là. Fait que là, devant mes boîtes Atari, j'empile mes boîtes de NES, tu sais. C'est un peu triste, mais j'ai plus le choix. Aussi, regardez comment c'est anal. J'ai regroupé mes boîtes par Konami, Black Label, Capcom. Tu sais, ça me crosse en regardant ça aussi. OCD, en plus. Je sais pas, hein. Pis ça, ben, celui-là, le fameux Flintstones là, que je recherche présentement, qui coûte très cher. C'est le dernier très gros jeu qui me reste à acquérir. Là. Donc, eux autres aussi, ils cherchent. Tu sais, Dom... Il est où, aussi? Il est où? Il est là? Mais dans le fond, tu peux te poser la question, t'as-tu vraiment besoin de ton char, tu sais? Parce qu'il y a une façon facile non, d'aller chercher... Non, mais t'as-tu vraiment besoin de deux reins? Moi, c'est ça. C'est sérieux. Hein? Surtout que ça vient de maganer que le Chris. Vraiment en vendeur, genre. Ah, oh, il est showroom. Il est bien bon. Tu mentirais. Le gars, il se met ça dedans. Ah, oh, calice. Il était donc bien malheureux, papa Cassette. Oui, j'étais malheureux. Bon. Mais au moins, j'ai toutes mes cassettes. Fait que Nick, bonne chance d'être après ça. Là. Ouais, fait que voilà les gars. Moi, j'ai... Fait que c'est un délire d'or gris présentement dans lequel je me retrouve. C'est clair. Je capote ma vie. Ah, ouais. Bon, mais good. Écoute, j'aurais aimé que la pause soit là pour briser. Moi, c'est juste... On peut pas la pause c'est même si tu pas veux, une là. Critique. C'est genre... C'est on va parler un peu. Là. Mes impressions de Final Fantasy XV. Donc, ce que j'ai fait, en fait, J'avais oublié que j'avais précommandé Final Fantasy XV. Toi aussi! Tout le monde! Vraiment, là, c'est une vraie histoire. Tu sais, dans le temps du E3, on disait que ça sert à rien, mais ça servait à ça. Ouais, tu sais, exactement. Je disais, oh man, ça a l'air coeurant, hein? Waouh! Ça fait pas genre 10 ans qu'ils l'ont annoncé. Ouais, mais ça fait 2 ans. 2 ans qu'ils reportent. 2 ans. C'est ça, fait que. Moi, je l'avais commandé parce qu'il y avait les spéciaux chez Best Buy. T'en achetais 3, t'avais genre 30$ de rabais. Puis à l'époque, c'était le prix de quand le dollar canadien était puissant. Okay. Fait que il m'est revenu quelque chose comme 40$. Wow, mais tu sais, comme je l'avais complètement oublié. J'ai payé un peu plus, là, dans le fond. Je vais le revendre tantôt au prix que j'ai payé à quelqu'un. Mais là, c'est pas que c'est pas bon. Mais je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que dans le fond, Final Fantasy XV, puis ben c'est ça, Bruno et Ben ont joué, fait qu'on peut jump in. Yes. C'est le dernier dans la longue série de Final Fantasy officielle, tu sais, c'est vraiment un vrai legit, c'est un vrai, là, c'est un legit, tu sais. Ouais. Mais ça fait des années qu'ils se font taper sa tête, du turn-based, t'es plus moderne, nanana. Là, tu regardes, ils ont vraiment écouté qu'est-ce qui se passe avec ça, tu sais. Le jeu est vraiment magnifique, tu sais. Là, ce qu'on voit, c'est... Bon, on va en parler tout de suite, là, on va percer l'abcès. Tu sais, les personnages, tu sais, ils restent... sais, imaginez dans le temps Cloud et Sephiroth, on les trouvait cool, mais c'était juste des petits polygones, ouais. Mais ça, c'était la vision qu'ils voulaient faire, t'sais. Très, très japonais, t'sais. J'avais l'impression des fois de lire un shoujo, là, les mangas pour les filles, là, t'sais, c'est des gars jeunes, un peu, sont pubères, là, on peut émo, dire. Là. Mais un peu émo, t'sais, tu t'habilles en noir, ouais. Il y a comme une bromance là-dedans, t'sais, pis... Grosso modo, toi, tu joues un prince, tu sais. Ça, c'est ton père. On vient de voir un monsieur barbu. Fait que là, tu c'est... m'aurais mis juste des monsieur barbu dans le genre. Ouais, moi, je voulais ça aurait ça. Été mieux. Ben, en fait, c'est ouais. ça, tu sais. Moi, je voulais ça. Tu sais, mais là, tu joues Noctis, qui est un jeune prince. T'es un peu rebelle. Tu sais, t'as des amis avec toi. T'as comme un quatuor ben, avec toi-même. C'est intéressant, vraiment bien. Mais c'est ça, c'est un peu comme très rebelle, très jeune. Le gameplay de ça. Est vraiment différent de tous les autres Final Fantasy. Il est vraiment, vraiment plus orienté action RPG. C'est un si gros vous avez virage, joué, ça. C'est un énorme virage. Si vous avez joué... Sur Internet, on capoté avec oui, ça. Oui, tout hein. à fait. Mais tu sais, si vous avez joué à, par exemple, Xenoblade Chronicles, soit à la Wii ou la Wii U, c'est plus en ce sens, ou encore Dragon Age. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, ouais, vraiment, vraiment très semblable. Donc, ils sont comme modernisés. Moi, ce que je pense, tu sais, mettons, mon analyse de tout ça, c'est que vraiment, ben, il était temps quand ça même fait, que Final hein. Fantasy évolue comme ça. Je pense qu'ils vont garder le turn-based avec des. Soit des spin-off Final Fantasy, genre, il va y avoir, je sais pas. Final Fantasy Confusion, ben, ou tu sais, comme ils vont aller. Récemment, il y a eu World of Final Fantasy, qui ouais. a l'air malade, puis ça, c'était turn-based. Ouais, ben c'est ça, mais tu vois, je pense que, tu sais, aussi Bravely Default. Qui était supposé ouais. être un final, finalement, on dit non, on va pas en faire final. Puis là, ils ont fait un classique turn-based, tu sais. Mais ça, c'est vraiment, je pense, la direction des gros Final Fantasy. Un énorme triple A japonais, très dynamique, très bien fait. Là, on voit plusieurs armes ici. Tu peux avoir l'énorme épée, ouais, tu sais. Comme d'habitude. Puis, oui, mais elle est extrêmement satisfaisante parce ouais. que tu fais ça avec, ça fait revoler l'ennemi. Ouais. Puis elle est lourde, là, elle est vraiment difficile à. Ouais. À tu sais, ton comme, bonhomme, il swing, ouais, ça bon... il prend exact. Méchant, swing. Puis après ça, t'es comme, je dirais, vulnérable pendant quelques secondes, tu sais. Tu peux changer tes armes relativement dynamiquement. Tu peux prendre une dagger, une espèce de. Tu peux prendre une, un genre de javelot, en effet. Il y avait une commandite Coleman, ça a tente. Plante une tente en dehors du village, commandite Coleman, c'est ouais. malade, ça. Fait que, c'est-tu vrai, là? J'ai pas vu. Je te jure que oui. Ah ouais, c'est écrit Coleman. Incroyable. Wow, on va peut-être okay. le voir là. Mais tu sais, ouais. Donc tu sais, c'est intéressant. Là, tu peux, quand t'es dans le campement. Qu'est-ce que je vais voir? Oui, mais lui, mais c'est le ça, cuistot. Il fait à manger pour le groupe. Wow. Là, oui, c'est Ignis, c'est le cuistot, tu sais. Puis ça donne des stats, dans le fond, excellent, tu sais. Ça te donne des bonus, mettons, ouais. dans ta journée, que t'as mangé, je sais pas, moi, une espèce de ragoût, ben, tu auras plus de points de vie, puis plus d'attaque, tu sais. OK. Que, c'est que, dans le fond, elle, ben, tu sais, dans ah, le fond, y a une fille là. Il y a une fille, mais tu sais, ton but là, c'est comme jeune, ton roi. C'est de la soigner un peu comme ta cola qu'on s'est jeune. ça reste un peu moins vulgaire que tout ça. Tu veux l'épouser. En non, fait, non, là. Ben, c'est propre là. Je veux dire. Ok, ouais, c'est. Ça propre règles. Quand même. Mais tu sais, tu t'en vas. Je veux ce code-là sur un t-shirt d'homme, s'il te plaît. Dans le fond, la prémisse, c'est vraiment que toi, Noctis, tu vas aller marier une autre princesse d'un autre royaume, puis tu pars avec tes chums dans un char pour un joyride, tu sais. Puis là, t'as de la petite musique contemporaine, tu sais, qui se mélange avec la musique de Final Fantasy. Puis, ben, t'as plusieurs missions, tu sais. Les combats sont vraiment le fun, j'ai toujours trouvé dynamique. Tu peux appeler tes amis pour faire des moves spéciaux. Ce qu'on voit ici, un genre de téléportation ouais. où tu lances un arme puis là tu fais une attaque avec. Incroyablement satisfaisant. Le fun, hein? C'est ah, ça, ouais. le combat, oui. c'est-tu juste un bouton à part quand tu lances ton arme, je sais que c'est le non, triangle. Ben, là, non, mais... parce que tu peux faire un parry en tant que tel. Là, okay. fait que, pis ça, c'est extrêmement important. Quand tu reçois une attaque, tu dois parer l'attaque et contre-attaquer. Ouais. Ça fait okay. énormément de dommages. T'sais, quand tu arrives avec des ennemis un peu plus forts, c'est sûr que tu peux pas t'en sortir de tout ça. Ben, c'est ça, dans le démo, il t'invitait chaleureusement à juste garder ton piton enfoncé pour être en mode offensif. Puis, ouf, si tu veux être en défensif, pèse sur le rond. Mais ouais, sinon, mais... juste garde-la enfoncée tout le long. Il va juste battre des ennemis sans arrêt. Ben, tu peux faire ça, mais tu peux faire des enchaînements aussi en mâchant. Tu peux jumper, faire des enchaînements aériens. Okay, okay, okay. Y a plus... C'est vraiment dynamique comme combat cool, quand ça. Même. Puis, tu sais, vraiment, là, on voit, tu peux customiser tes personnages puis leur donner des looks. C'est tout des looks contemporain japonais, un peu douchey, tu sais. Ouais, hein. Ça, tu peux pas lui mettre une barbe. Ça a l'air d'un groupe pop, honnêtement. Ouais, exactement. Ouais, c'est la K-pop. C'est du J-pop, là. Ouais. Fait que. Il y a des affaires intéressantes. Comme quand on va dans le menu, pour acheter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit clin d'œil au vieux Final Fantasy où la personne qui peut équiper l'arme, elle lève la main en pixelisé. C'est vraiment le fun. Ça, c'est cool. T'sais, moi, je dirais, ce jeu-là est excellent. C'est tellement un détail qui donne un coup de main, ça. Ça ou, ben, oui, mais... Ce qui est intéressant, c'est la dynamique des personnages. C'est entre eux autres. Ouais. Ils se piquent, ils se donnent des jokes. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais en train de combattre un monstre, je le tue. Là, il y a un des gars qui part, qui fait « tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, de même, tu sais, t'es comme Crip, il chante la toune de fin de combat de Final Fantasy. » Ah, mais il y a plein de petits clins d'œil, le fun, tu sais, puis la fille, mettons, à un moment donné, tu rencontres une mécano, puis son grand-père s'appelle Sid, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires, des super clins d'œil de toutes les franchises de Final Fantasy. Puis, écoute, c'est un super jeu. La seule affaire que moi j'ai trouvé, mon bémol, là, c'est vraiment, j'ai de la misère à m'attacher beaucoup à ces personnages-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont jeunes. Tu sais, moi, j'aurais aimé que tu me donnes vieux. Oui, je suis vieux. Je suis un vieux gamer. Mais je veux. Tu sais, genre, là où Xenoblade Chronicles avait réussi à mettre un vieux dude, là, tu sais, Dunban, Magané, tu sais, qui était capable de. Je pouvais m'identifier un peu plus à lui. Ouais. Il aurait juste donné un gars. Il y en a qui étaient pas loin, tu sais. Ben, le bodyguard. Le bodyguard, là, lui, c'est. Glodiolus. Il aurait des tatous comme Ben, en plus. Oui, mais il est cool, mais il aurait pu être un petit peu plus vieux. Il aurait pu pas montrer sa bédaine, ouais, genre, c'est ça. C'est ça. Avec la même petite veste que Gun-Ho dans G.I. Joe. C'était peut-être moins approprié, mais les éléments sont là. Excellent jeu, ça a l'air vraiment intense. Présentement, je me débarrasse de la copie parce que j'ai pas le temps de jouer. Puis quand je veux jouer, je veux le rincer d'une shot. Fait que là, pour l'instant, je cède ma copie à Bruno, tu sais, qui va avoir bien du plaisir. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment incroyable. C'est ce qu'on attendait Final Fantasy qui se renouvelle. Puis c'est un gros budget. Puis on repousse le jeu. Il y en a qui chialent. Quand quelqu'un repousse un jeu, moi je chiale jamais. Tout ce que je me dis, c'est genre, il va être meilleur. Ouais. Puis en effet, ça valait vraiment la peine. Et juste, moi, ce que je trouve, là, la petite critique que je ferais, c'est qu'il y a pas mal de bugs de collision. Ok. Ça m'est arrivé plusieurs fois déjà. Ouais. Puis ça fait pas tant d'heures que je mets. Là, puis. C'est pas grave, puis ça brise pas le jeu. C'est juste, tu sais, ça te débarque. Là, tu vois, hein, à un moment donné, il y a un personnage qui est rendu au-dessus de moi. Raison, puis les combats, il faut dire que c'est pas action comme si vous êtes habitué, mettons. Si vous avez joué à, mettons, Mass Effect ou Watch Dogs, où c'est précis quand même un peu plus. Ça reste lousse, comme un World of Warcraft, Xenoblade Chronicles. C'est très lousse, là. L'exécution, elle est permissive. Tu sais, ton parry là, que tu vas faire, là, ben, il est long. Tu sais, t'as le temps de mettre le doigt sur le piton. Fait que c'est pas du combat qui demande tant de réflexes que ça. Ouais. T'es plus conditionné à faire les bonnes choses. Puis t'as un mode que j'ai pas essayé, puis j'aimerais essayer, qui est comme semi-tactique, en fait. Je sais pas si ça va être un peu comme Dragon Age, où tu peux placer tes choses pour attaquer. Ça reste à explorer, mais il donne une option pour ceux qui auraient voulu plus turn-based. Fait qu'ils vont ramener un élément plus tactique, en fait. Ah, c'est cool, quand super même. Super jeu, tu sais. Moi, j'ai pas donné de note parce que j'ai donné à peu près 2 heures à ce jeu-là, qui a probablement 70 à 120 heures à mettre là-dedans. Ben, on a ici Phil Boots qui a joué 60 heures, puis trip. Ouais. Et puis voilà. Il aime ça? Il aime ça. Fait que tu sais, en tout cas, moi à date, j'entends personne qui a pas aimé ça. Tout le monde fait la même joke là, de les bonhommes. Tu sais, puis je pense que c'est Carl Robert qui a dit genre, tu bats des créatures dans le désert habillé comme si t'allais de. Tu genre, ou une disco, il y a ça, là. Tu sais, t'es habillé en émo. Ben, c'était là, pareil dans le temps, tu sais. C'est juste qu'il y avait moins de résolution. Ben, un peu moins. Tu sais, là, c'est vraiment poussé que t'es vraiment habillé comme. Tu sais, ça. Dans Final 3 là, ou 6, là, il était tout nu dans le désert ou whatever. Ouais. T'en faisais pas de cas. Ben, c'est un ninja, puis elle, c'est un magicien. Elle est tout nue, puis on s'en regarde. C'est très réaliste. Là, tu le vois. Ça fait pas vraiment de sens. Exact, mais c'est très beau. Là, puis l'environnement qu'ils ont créé, moi, il m'attire moins, mais c'est beau. Là, c'est vraiment un genre de post-modern. Ben, je dirais que c'est un semi-modernisme. Ça ressemble à Xenoblade Chronicles quand même. Un peu plus. C'est comme un hybride entre peut-être un. Tu sais, une dystopie, t'as des voitures, la voiture que tu reçois, là, je pense qu'elle s'appelle Eben, mais elle est énorme, ça ressemble à une espèce un muscle car. Mélangé avec une Rolls Royce, c'est une affaire luxueuse, mais c'est très beau. Moi, honnêtement, là, je dis n'importe qui aime les action RPG, essayez-le, vraiment intéressant, vous serez pas déçus. Ouais. Puis, c'est juste vraiment long et faut se mettre dedans. C'est pas le genre de jeu où vous allez mettre un petit 2 heures par semaine, là. Ça, faut que tu t'investisses. Mais très très belle. Fait que ça fait du bien à la franchise, un jeu comme ça. Oui, effectivement, ouais. Parce que les deux précédents, là, c'était ouais, catastrophique. Puis d'ailleurs, là, il est entré comme déjà, il est deuxième meilleur vendeur de tous les temps de la franchise, wow, en termes de copies. Tous les fait temps. On dirait qu'ils sont ouais, bons là-dedans, Squaresoft. Ouais. Genre, ouais, quand ça va mal, là, parce ouais, que là, ils ont mis beaucoup là, sur ce jeu-là en disant, là, tu sais, ça va pas super bien. Là, si on vend pas, là, ouais, tu vois, Final Fantasy, c'est sûr, c'est le titre, il vient de là. Ouais, la compagnie, elle a pas bien, fait que, tu sais, on va. Let's do a ouais, final. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment ça. Là. C'était pour ouais, ça que le titre a été trouvé. C'était comme, ils jouaient tout. Là. C'est, si ça passe pas, on fait faillite. Là. Ok, ouais. Ben, good job, Square Enix. Honnêtement, là, super jeu. Puis n'importe qui est fan de près ou de loin d'Action RPG, américain ou japonais, allez-y. Ouais. Super jeu. Donc, great. Great! Yep. Fais-tu une pause ou on y va direct pour les jeux du PSX? Il est 10h40 là, déjà. Ah, on peut y aller direct. Voulez-vous voir faire un petit direct? Quelqu'un peut se faire acheter de la bière puis on peut y aller. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bruno, je pense que c'est plus toi qui vas l'aider, celle-là. Puis je vais t'appuyer en visuel. Ça marche. Go! Alright. Ouais, c'est ça. Bon, passons les chips au vinaigre. Bon. Quand je me défonce. Fait que c'est ça. Fait que la fin de semaine passée. Ouais. Moi, je te prendrais de l'eau, s'il vous plaît. Je prends un chai latte. On va prendre une ligne de coke. Tu vas passer sur une clé. Ben c'est ça. Pour commencer, avant que Jeff revienne, dans le fond, le PlayStation Experience, ça se faisait en fin de semaine. PlayStation Experience, c'est Sony qui a parti ça depuis 2 ans, ouais, je crois. Puis c'est ça, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils se font un peu leur propre E3. Mm-hmm. C'est comme une espèce de conférence-exposition qui se veut être un service aux fans plutôt qu'à l'industrie. Fait qu'ils disent absolument rien à l'industrie. Ils disent aux fans, regarde, le PlayStation Experience, ça arrive, vous pouvez avoir vos billets, bla bla bla bla bla bla. Puis c'est les fans qui y vont, c'est pas fait pour les médias. Fait qu'eux autres, en fait, ce week-end-là, on peut essayer une tonne de jeux qui sont pas sortis jusqu'à maintenant. Puis on peut aussi, évidemment, voir des nouveaux jeux. Mais on sait jamais exactement combien de d'annonces de jeux il va y avoir. Tu te dis, ils vont peut-être annoncer 2, 3 jeux, des extensions. Cette semaine, là, ça a été comme... En fin de semaine, ça finissait plus. Line-up de débile mental. C'est mon gueule, mais ça prouve vraiment justement que Sony est en forme en tabarouette financièrement. Là. C'est, ils doivent avoir gagné, du cash comme ça n'a pas de sens. Ça a déjà été décrété qu'ils ont gagné la guerre de cette génération-là. Xbox, il tire de la patte. Puis, mais c'est sûr, mais aussi... Ah ouais, c'est vraiment de la patte. Ah oui, ils ont de la misère au niveau des ventes. Là, fait que... Ouais, c'est sûr. C'est, mais, tu te souviens quand on faisait Monsieur Net, oui, peut-être... mettons 2 ans avant que, qu'on finisse Monsieur Net, mm-hmm, il y a eu une grosse restructuration de Sony. Ouais. Donc là, il avait décidé, OK, là, les téléphones, on va abandonner ça tranquillement. Il avait comme abandonné plein de marché. Parce que Sony, là, les gens ne savent pas, là, mais ils sont dans l'assurance. Ils sont dans vraiment plein de marchés. Là, ils ont comme fait, OK, il faut qu'on restructure et qu'on focus où est-ce qu'on fait de l'argent. Ouais. Donc, les TV, Sony PlayStation, évidemment. Ça marche. Ah oui. Mais la PlayStation 3, en plus, ils ont commencé en douchebag, ouais, avec la PlayStation 3. Puis un peu fendant, un peu condescendant de genre, hey, we're here! Puis tu sais, de se dire, on va la vendre super cher, tout le monde va l'acheter, fuck them. Ils ont pas écouté le monde pour la manette, ils ont pas écouté le monde pour rien. Puis ça a fait un désastre, en fait. C'est la 360 qui a gagné à ce moment-là. Mm-hmm. Parce que, puis avec raison, parce que Sony écoutait pas les gamers du tout. Ouais, ben tu sais, en fait, c'est parce que il y avait l'expérience de la PlayStation 1, passage de la PlayStation 2 qui a tout tué. Tu sais, ils ont tué la Dreamcast, ouais, qui était sortie, puis là, Nintendo avait des problèmes avec la GameCube. Ouais. Fait que tu sais, là, il arrivait en position de leader de marché. Mm-hmm. Microsoft, il y avait la Xbox, la première, là, la vraie One. Ouais. Tu sais, comme. Qui a pas été un gros succès, mais eux, c'était une plateforme d'essai, là, tu sais. Ouais. Puis vite, ils ont sorti dans le cycle de vie, la 360 est sortie rapidement. Ouais. Puis là, ils se sont fait, oh boy, on a une vraie compétition, tu sais. Puis t'as raison, PlayStation 3, ça a pas été le succès escompté, mais là, ils ont appris de leurs erreurs, tu sais. Puis ils arrivent avec un produit qui était plus compétitif, en fait. Que exactement. C'est le dev kit aussi qui a vraiment changé parce que développer sa PS3, avant, c'était l'enfer. Ah ouais, c'était l'enfer. T'installais 3-4 affaires, des clients louches, tandis que Xbox, c'était clean, tu faisais... Mais tu sais, Matt McCartney, là-dessus. Tu sais, Carney, c'est un gars de software. Ouais. Puis c'est lui qui a designé le hardware, tu sais. Exact. Fait que le gars, il dit, gars, moi, là, quand je développe, je veux ça, ça, ça, ça. Fait que, tu sais, ça simplifie les affaires, là. Non, ils ont bien fait, sérieusement, parce que, tu sais, il était temps, là. Mais en même temps, moi, je trouve ça le fun parce que là, sont humbles, tu sais, ils ont vécu... ils ont compris. Ils ont vécu des cyberattaques. ils ont mangé des varlopes sans arrêt, sérieux. Ouais. Là, tu sais, il y a comme la PS3, ils ont perdu tellement d'argent, ils ont perdu plein de monde. Après ça, justement, les cyberattaques quand la PS4 est sortie, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un moment donné. Pas quand la PS4 est sortie, elle était même pas sortie quand ils ont vécu ça, il me semble. La cyberattaque, non. Non, c'est ça, c'était encore la PS3, c'était à la fin. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont vécu assez de volées, puis ils ont travaillé fort, puis ils ont engagé aussi le bon monde, tu vois, avec les. Les gens qui ont engagé, c'était des bons moves. Puis ouais, ils ont été plus agressifs au niveau des deals d'exclusivité. Là. Ben ouais. Donc, ils ont été chercher du monde typiquement qu'on n'aurait pas pensé. Ouais, puis Microsoft s'est tiré dans le pied aussi. Je comprends l'idée là, qu'ils voulaient dire « Ok, ben on veut mettre fin au disque. Mm-hmm. » Mais tu sais, faire le marché se faire... de manière organique. Les gens déjà le font par eux-mêmes. Le forcer dans la gorge des consommateurs, c'est jamais une bonne affaire. Ouais, c'est quand tu dis DRM Sport, DRM Sport, Sport TV. Ouais, c'est ça, c'est ça, mon nez. C'est ce qu'on avait retenu. Mais là, on s'égare, hein? Oui. Je pense qu'on a une longue liste de trucs à regarder. Les jeux annoncés, GF. Oui. Yes. Le premier de la liste, Uncharted. Alors moi, je pensais que c'était fini, Uncharted. Ouais, mais ça, c'est The Lost Legacy. The Lost Legacy, fait que c'est ça, quoi, ça finit jamais, man. Ça va être, c'est comme le carnaval de Québec. Non, mais et moi, j'ai pleuré quand j'ai fini le dernier. Là, ah oui, vraiment. Ça, j'étais comme, je peux pas croire que c'est fini. Là. Ah, je trouvais ça tough. Puis en plus aussi, il y a eu les, en passant, les Video Game Awards récemment, donc grosse semaine. Puis il y avait Nolan North aussi qui arrive puis qui a gagné un prix pour la meilleure interprétation pour Uncharted. C'est lui qui fait Drake. Puis il disait, ah, ça fait du bien de tenir ce trophée-là parce que c'est pas mal le dernier trophée que Nathan Drake va tenir dans ses mains. Ouais. C'est pas mal le dernier trésor qu'il va tenir dans ses mains. Tu veux pas que ça se termine. Mais c'est ça ce que c'est de Lost Legacy. C'est, en fait, au départ, ça s'annonçait comme un DLC pour Uncharted 4. Puis finalement, c'est un standalone. Fait que tu vas, même si t'as pas Uncharted 4, tu vas pouvoir acheter ce jeu-là. Séparément. Puis supposément que le monde est plus grand que la map est plus grande que la map d'Uncharted dans les plus grosses maps, ce qui est pas peu dire. Mais puis que c'est ça en termes de longévité, c'est plus long que The Last of Us Left Behind. Ah ouais. Hein? Fait que c'est quand même, ils s'organisent pour nous donner quand même un très gros jeu pour ce qui est d'un standalone. Là. Il avait essayé aussi l'affaire avec, voyons, Colin, j'ai un blanc, Infamous. Oui! Il avait sorti Second Son, puis après ça, il avait sorti le DLC qui était en fait un autre standalone. Ouais, c'est ça, c'était quasiment un jeu. C'était quasiment un jeu complet, puis c'était malade. Puis C'était très bon. Puis c'est ça, ils refont la même affaire avec ça. On va incarner une femme tout au long de ça. Nathan Drake est pas là-dedans. C'est quelque chose qui se passe en parallèle. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages qui ont quand même été dans l'univers d'Uncharted. Là, on s'en va pas complètement ailleurs. Mais c'est Chloé, c'est ton ex, là. C'est ça, exactement. Les cheveux foncés, là. C'est ton ex, puis l'autre qui va faire équipe avec elle, c'est une pas fine. Ah ouais? Mais à ce moment-là, c'est pas une pas fine. Oh! Fait que ça va nous montrer justement pourquoi elle est devenue une pas fine. Fait que moi, j'ai très, très hâte de jouer à ça, évidemment. Okay, mais Uncharted, tout l'univers d'Uncharted, là. Mais tu sais, je pense que c'est n'importe qui, en fait, qui tripe ses jeux vidéo next-gen peut pas ne pas aimer Uncharted. Il y a tellement de travail qui est mis là-dedans. Ça, là. Puis tu sais, si t'as aimé Indiana Jones... Exact. C'est ça, là. C'est comme moi, c'est quand je joue à ça, j'ai l'impression de continuer la vie d'Indiana Jones dans un autre personnage, là. Puis t'es comme, OK... l'humour est là, la beauté des paysages, tu sais, c'est juste une note Indiana Jones pour le monde contemporain. Je me demande s'il y a quelqu'un qui a déjà posé la question, justement, à Naughty Dog, pourquoi vous faites pas un Indiana Jones? J'avais vu. Ah, ça serait malade! Ouais, faudrait qu'elle cherche à franchir. Mais non, mais qu'elle la cherche à franchise, Colin, elle adore là, présentement la franchise d'Indiana Jones. Ouais. Il va en avoir un autre. Ouais. Mais on s'en crisse. Ça coûte bien plus cher avoir une licence. Tandis que là, ce qu'ils ont créé, c'est clair, c'est leur inspiration numéro un. Exact. Exact. Parce que travailler avec une licence, c'est pas facile. Hein. Ils ont des, ils ont des façons de faire. Mmh. Ouais. Tu peux pas avoir la liberté créative. Colin. Fait qu'en tout cas. Oh. Mais ouais, okay. Un beau petit titre. Coudon. Ils ont aussi annoncé un nouveau Last of Us Part 2. Ouais. Oui, monsieur, le Last of Us Part 2. Des images de ça. Colin. Hey, ça. Belle forêt, ça. Ça ressemble à Ted Ferd. Ted Ferd, ils ont gaulé en crème là-dessus. Ah, regarde la mousse, là. Les c'est du beau lichen, ça. Mais ça paraît qu'il y a beaucoup de lichen, c'est pit d'amiante là-bas. Mais moi, ça, je pense que. Nailed it. Achievement unlocked. Je pense que tout le monde s'y attendait quand même. Là. Tout le monde était comme ah, mais gars, surpris, je capote, je respire plus. Mais. Moi, je trouve que c'est. On s'y attendait quand même, là. Tu sais, après un succès aussi phénoménal que ça, tu t'attends à ce qu'il y ait un deuxième jeu. Clairement. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit. M'attendais à ce qu'elle fasse le logo de Naughty Dog aussi. Ah, ouais, hein. C'est laid que le Christ. Mais on va continuer. Ouais, c'est leur marque de commerce, man. On dirait mes mains, ça, d'ailleurs. Regarde. Ouais, hein. Regarde. Des cite, grands là. Doigts. Puis cite, là. Des doigts de poing. Des que je me battu contre des zombies encore. Ouais, ouais toujours. Ça, c'est quand je me lève le matin en criant. Y'a la merde, qu'est-ce que c'est? Je punch des murs pis des meubles. Y'a la merde dans le relais! Pas la merde dans le relais! Aïe aïe. Mais c'est ça, finalement, on se rend compte que Ellie est pas décédée. Ben, scrap, mais pas décédée. Puis. C'est beau, mais scoopé le premier, hein? Joel, il me semble. Ouais! C'est Joel. J'ai plus besoin de jouer, là! J'ai même pas joué! Moi, genre. Non, mais je veux dire. Là, les gens voient le trailer aussi en même temps. Là. Fait que je pense que... Moi, genre, là, la triste histoire de Last of Us, c'est que j'étais rendu pas mal loin. Puis moi, j'ai perdu ma PlayStation game. 3 est mort. Puis mon 10, il est dedans. J'ai encore mon ça deuxième PlayStation 3 avec mon 10 dedans. Je me dis, à un moment donné, je vais l'avoir. Puis là, tu sais, dans le temps, là, j'étais pas membre de PlayStation Plus. Fait que mon save game était pas dans le cloud. Là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis pogné. Un jour, je pense réparer cette PlayStation-là. Pour finir ma game. Tu me dis là, j'ai déjà fait, si t'as besoin d'ide. Ouais, c'est avec le truc, la couverte, puis le sachet. Non, je l'ai fait chauffer. Ouais, j'ai fait chauffer, j'ai un truc pour chauffer le métal, puis ça va bien marcher. On se parle tantôt. Un heat gun. Un heat gun, ça dure 3-4 heures, puis ton PS3 pète après ça. Au moins, tu peux sortir ton jeu, puis on a un heat gun au bar, si tu veux aussi. On s'en sert pour burger des bouteilles. Là. Tu viendras faire ça au bureau. Burger des bouteilles. Gangster style. Ça, c'est du parlage de bar. Burger des bouteilles. Explique-nous. Je sais pas que le burg, c'est le genre de truc là, que tu mets sa bouteille. Nous autres, on fonctionne comme ça. Cap, on n'est pas free pour. Plus free clair. Pour, c'est quand ça c'est coule. C'est tellement pas clair ton affaire. Le bug, c'est ce que tu mets sa bouteille. Hey, ça, tu chum, comment tu joues au baseball? C'est là? C'est comme tu un frappes l'affaire avec la patente. Fait une dose. C'est un petit peigne en plastique. Okay. Comme tu clips la bouteille là-dessus, puis tu verses ton once là-dessus, puis ça, ça calcule les onces ou les demi-onces ou les quarts. Okay. Parce que nous autres, on fonctionne comme ça pour calculer nos systèmes. Mais il y a d'autres bars, mettons, qui sont free pour. Les autres, ils se mettent des genres de becs, là, ouais. Des longs becs. Des becs verseurs. Ouais, puis là, ils versent comme des malades, font de la mixologie, puis c'est malade. Ils perdent. Nous autres, le comptable capote. Exactement. C'est barnac. Comment ça que ça. Une demi-bouteille de vodka pour trois drinks, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, mais pour burger des bouteilles, il faut que tu mettes un truc en plastique au bout qui va clipper dans le bang, tu sais. Burg it. Fait que c'est ça que j'ai besoin de ce truc-là. Mais j'en ai un aussi, un séchoir industriel pour décaper. Okay. Après ça, PlayStation Experience, on a parlé de... Hey, attends, c'est pour ton... Ouais, avant c'est pour ton beau... ta belle chevelure. Exact. Avant d'aller plus loin, yes. Je vais tout de suite vous dire comment participer au concours. Oui. Ah ouais. Je vais vous poser une question. Pour Lara Croft Go, un facile. Quelle était... ma note pour Watch Dogs 2. Dom, tu vas-tu monitorer les réponses? Le premier qui répond... Quelle était ma note pour Watch Dogs 2? Le je premier qui répond... les réponses. ...va gagner un code pour Lara Croft Go sur PS4. Ta note pour Watch Dogs 2, hein? Oui, exactement. Celle que tu as dit tout à l'heure. Yes. Oui. Celle que je pensais que c'était une note parfaite, mais que ça l'était presque... On l'a. C'est Monsieur Al Alvarez. OK, il faut le noter. Avec un 4.5. Envoie-nous ton... Al Alvarez, Al Alvarez, envoie-nous... t'es le gagnant. Envoie-nous un email à info à retronouveau.ca. Ou un message privé sur Facebook, ça va faire. Ou un message privé sur Facebook, en effet. Donc, c'est ça. Avec pour un chèque à l'ordre. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est de Final Fantasy XV, on vous garde jusqu'à la fin, mais Tanan, on va vous poser la question avant de terminer le show. Ouais. C'est moi qui pose la question. Yeah! Fait que, GF, continue ça. Ils ont parlé de Marvel vs. Capcom, et ils en ont parlé de deux, en fait. Ils ont parlé de le nouveau, je pense, Marvel vs. Capcom Infinite. Ouais. Puis ils ont aussi dit qu'ils ramenaient Marvel vs. Capcom 3 sur PS4. Ouais, mais dans le fond, c'est juste un port probablement HD de la version. C'est un port que je vais sûrement acheter parce que c'est malade. Là. Mais mon gars, il a vu que Megaman était dans un jeu pour se battre. Il trouvait ça cool. C'est il est aussi dans Smash. 4K. Ah, en 4K en plus. Ok, ouais. Fait mais que c'est un jeu. C'est la réponse à tout maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, le 3, en fait, tellement que tu sais. Il y a eu beaucoup de pression de la communauté, puis là, c'est là que Marvel vs. Capcom Infinite rentre dans le tas. Ouais. Par contre, là, j'ai lu là-dessus, puis les fans hardcore de la série vont probablement capoter, puis nerd rager, parce que ça va être deux personnages au lieu de trois, et ça serait la fin des assists. Si vous avez déjà joué à ce jeu-là, là, c'est instrumental, les assists. C'est un autre bonhomme qui rentre dans le jeu pour te donner un coup. Fait que, tu sais, ça sera pas là. Ça va être juste un tag team, un peu comme Tekken Tag Tournament. Fait que c'est un peu. C'est un changement total dans Marvel vs. Capcom, tu sais, qui fait longtemps qu'ils n'ont pas tellement changé la recette. Fait que j'ai hâte de voir comment les fans vont réagir à ça. Mais bonne nouvelle qu'il y en a un nouveau, mais j'ai peur que la communauté rejette ça en bloc, là. Fait que. On va voir. Stay tuned. Donc, dans le fond. le prochain jeu sur la liste est Let It Die. Oui! C'est quoi ce jeu-là? Ça, Let It Die, là, c'est le nouveau jeu de Suda 51. Et Suda 51, il y a pas le trailer, mon GF. J'ai pas le trailer, celui-là, malheureusement. T'as pas de trailer? Non, je l'ai pas pogné, celui-là. Ah, ben là, Suda 51, méchante nouvelle. C'est un jeu, en fait, j'ai pas catché exactement, mais je l'ai downloadé parce que le jeu est gratuit. Ah, le jeu, il est sorti. Le jeu est disponible. Ils l'ont rendu disponible le jour du PlayStation Experience, qui est très cool. Puis tu peux le downloader gratuitement. Puis en fait, c'est un free-to-play. Ça a l'air d'être un jeu de combat avec des histoires fucking bizarres dedans, des personnages weird, puis tu tues du monde. That's it. On mettra le trailer sur notre page Facebook d'abord. Exactement. Puis bref, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment, vraiment weird, là. Mais tu sais, c'est quand même le gars qui a fait Killer 7 puis No More Heroes qui a fait ça. Fait que, ouais, mais à part ce jeu de weird, là. Il est pas si bon que ça, Suda 51. Sa compagnie Grasshopper est excellente. Mais sinon, tu sais, comme. Ben, quand même, c'est. Il semble que tout est fucking overrated, là, puis qu'il n'y a pas fait de hit depuis la Wii. C'est 50-50. C'est 50-50. Il y a des bonnes affaires, comme des petits jeux, tu sais, comme Cinemora, c'est malade. Ça vient de sa compagnie. Ah, j'ai pas aimé ça. Ouais. Toi, t'as capoté. Chris, Cinemora. Je sais pas, j'ai trouvé ça correct. Là, le shmup, ça. Ouais. Il est dur en si bas, ce jeu-là. Moi, je l'aime en Chris. Mais en tout cas, anyway. On s'étalera pas là-dessus. Ça, Ouais. Prochain. Le porte-patate à mon cœur. mais je suis d'accord avec toi qui est overrated, par exemple, ce gars-là. T'sais, c'est pas à cause qu'il sort de quoi que ça va être c'est bon. C'est à cause de son nom. Ouais, exactement. Parce qu'il y a un nom d'artiste. Moi, je devrais m'appeler Jean-Claude 28. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est gagnant. Ton livre, c'est un best-seller. Jean-Claude 60, tu sais, comme le nombre de pouces de ta TV. 65. T'as payé pour ces 5 pouces. Ouais, ouais, on va y nommer. Mais n'enlèvera pas, tabarnak. Mais non, c'est ça. Mais bref, le Dead Die, ça a l'air intéressant. C'est gratuit, donc anyway, n'importe qui peut essayer c'est ça. Là. Faites pas allez-y, essayer ça. Bande de zouf. Ouais, exactement. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est violent. Quoi d'autre? Faites attention. Il ramène Crash Bandicoot. Ben oui, toi. Ah oui, la blonde, chiens des tacles. La blonde capote complètement. Ah ouais. Quand j'ai dit ça, elle dit je capote. Ah moi, j'ai joué dans ouais, on l'entend, là. J'enlève les écouteurs, j'entends. Tu peux jouer à Crash Bandicoot dans Uncharted. Ah ouais? Ouais. c'est malade, ça. Fait que le N-Sync Trilogy. Ça, c'est précisément le 1, mais refait HD. Exact. C'est les 3. Là. Mais ils ont refait, c'est ça, ils ont refait la trilogie. Puis c'est écœurant hein, parce qu'ils l'ont toutes refaites. Tu sais, tu check là, clac. Ah ouais. Tu sais, ça, c'est un remaster là. Ah ouais, ça, c'est tellement hot. Mais non, moi, j'ai vraiment hâte de jouer à ça. J'ai hâte de faire découvrir ça à mes kids. Parce que cool, un enfant, là, quand t'essaies d'y montrer un jeu de PS1 ou Nintendo 64, là, il te revire. Il veut retourner dans ta femme. ça existe! Ah non, les jeux de PS1 puis de 64, moi, ça passe pas chez nous. Là, ils veulent rien savoir. Ils trouvent ça dégueulasse. Moi, je suis curieux. Je suis pas super excité. Je te dirais, je me demande comment ça a vieilli cette affaire-là. Tu sais, c'est du vieux platforming de première génération 3D. Ouais. C'est un peu comme moi, tout le monde va m'haïr, mais je ne traite pas sur Mario 64 tant que ça. Ouais, je l'ai eu, mon Mario 64. Mais je trouve qu'après, il y a eu des belles choses. Mais tu sais, Crash Bandicoot, c'était la base. Au début, c'était écœurant. Là. C'était des corridors. Mais, ouais, moi, j'ai rejoué à Warped vraiment, vraiment récemment. Là. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est du gameplay qui fonctionne super bien encore parce que c'est simple. T'as comme un 2D platformer mélangé avec un 3D platformer. Puis 3D platformer, il est simple. C'est tout le temps un corridor à trois branches, si on vulgarise ça. Ouais. Puis c'est comme c'est sauter sur des affaires, slider, smasher. Fait que c'est simple. C'est comme si c'était un en fait, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu mobile glorifié, tu sais. Ouais, okay. Mais. Ben écoute, s'ils peuvent ramener la mascotte. Mais pour vrai, des c'est annonces, vraiment intéressant, là. S'ils ramènent la mascotte des annonces, moi, je vais être dedans. des annonces à TV. Ah ouais, le il parlait, de Nintendo, il appelait au monde. Égards, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'était malade. Mais non, sérieusement, ça va t'intéresser. T'es un fan de Nintendo, Chris, tu peux pas. Non, mais j'ai aimé beaucoup les Crash Bandicoot, mais j'ai jamais eu de désir de rejouer. J'ai rejoué une fois, puis j'ai pas trouvé ça incroyable. Ah, en passant, il a monté de valeur en fou au PS1. Ah ouais? Le premier, bro. Ben, tous les Crash, mais surtout le premier. Crash et puis Medieval sont deux. Ah, Medieval, ouais, c'est ouais, bon, ouais. Ça. On the fucking ride, ouais, présentement. OK, ben, rejoue à Medieval, OK? C'est sûr que c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Moi, j'ai rejoué à Medieval, là, parce que j'étais sûr, je me disais comme, je vais racheter Medieval. J'étais malade, ce jeu-là. Ça va mal en tabarouette. Ah ouais. Parce que justement, il y a pas de contraintes. Dans Crash, t'as certaines contraintes qui ouais. fait que même dans le temps que tu pouvais pas nécessairement gérer la caméra, ça allait bien. Là, Medieval, sur la PS1, t'avais pas de joystick, t'avais juste ton D-pad, fait que ça allait mal en Christie. Ouais, ouais. Fait que c'est non, c'est pas... OK. Ils vont le refaire, ça va être awesome. Ouais, c'est ça, exactement. All right. Ensuite, on a vu des images de Horizon. C'est quoi le nom? Zero Dawn. Ici, j'en ai des images de ça. Oui, voilà. Tabarnouche. Ah, c'est le jeu d'Indien avec des robots, là. Exact. Qu'on avait. C'est Astérix et Obélix, mec! Ouais! Check Tedford, comme ils ont travaillé fort là-dedans. Hey, Tedford is on fucking fire à soir, man! J'ai jamais vu de la belle nature de même. Mais je viens de la Beauce, puis je suis déjà allé dedans, Tedford. Ils ont fait les mouettes! Mais ça avait l'air intéressant, ça. On était comme semi-croquants là, ouais. Quand on parlait du E3 en parlant de ce jeu-là. Mais c'est parce qu'en plus, il y a des. Qui trippe pas. Ben non, mais c'est comme Jurassic World avec du hacking. Puis mélangé avec un open world aventure style Tomb Raider ou Uncharted ou toute cette patente-là. Ouais. mais moi, je le trouve beau, c'est... Mais... Ouais, c'est ça, clair, pour moi, que ça me tente non, de jouer. Ça. Non, mais si vous voulez être... Tu sais, moi non plus, je suis pas excité à 100%, mais quand tu regardes le gameplay, le petit bout de gameplay qu'ils ont montré au E3 juste pour présenter le jeu, c'est vraiment hot. Tu sais qu'ils montrent pas ça là-dedans, en fait. Et on a l'impression non, que c'est juste ça, un shooter. Non, on en voit vraiment plus, là. Mais quand tu vois le gameplay, ta voix sauter sur un dinosaure, elle essaye de le contrôler, elle le hack, elle embarque dessus, elle le fait foncer dans un autre, elle s'en va sur un autre. Tu sais, il y a comme plein de dynamiques, de hacking super cool là-dedans. Fait que non, moi, je pense que ça va être intéressant, mais je pense que c'est en effet, c'est le genre de jeu que... Faut que tu l'essayes pour vraiment triper parce ouais, que ça se peut, ouais. Juste de voir des images comme je sais pas. Ouais, ouais, ça se peut. Puis là, Dom, tu parlais des semi-croquants. Le prochain, on devrait être full croc full tout le monde, je pense, parce que full croc. Windjammers s'en vient sur PS4. Ah oui, hein? Les fans de Neo Geo capotent en ce moment. Ça, là. Ça, man. Pas achetable. C'est un hit à l'arcade, ça, en ce moment. Là, à l'arcade, il y a du monde qui ça, qui y connaît, ils ont jamais joué à ça de leur vie, puis ils embarquent là-dessus, puis ils trippent ça, man. C'est très... c'est emblématique, c'est un jeu. Mais ça, ce qui est malade, là, c'est que c'est ridiculement improbable que ça sorte, puis ça sort à cause de l'émulation, tu sais. Comme, ouais. Je pense que c'est la communauté française là, d'émulation là, qui traite Neo Geo, qui ont poussé le projet, puis ultimement, ils ont été chercher les droits, puis ils développent ça. Fait que c'est complètement fou, avec un mode en ligne. Ça va être fou, là, tu sais. C'est magnifique. Moi, je trouve ça incroyable, des efforts de même, de fans qui partent quelque chose, qui ramènent un jeu qui est ultra, ultra culte. Obscur et culte ben, en même temps. Pas totalement obscur. Ben oui, là, tu sais, il y a non, pas... Non, mais c'est pas fucking Mario c'est Bros, sûr. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Mais si mettons, dans l'underground, c'est haut dans l'underground. Oui, oui, ouais, mais ça, ben, pour le commun des mortels, personne connaît Windjammer. C'est ça, mais là, c'est perdu. Ouais. Ben, ils vont tous se faire couler très rapidement. Mais moi, j'ai appris que ça existait, genre, avec toi, là. C'est toi, un moment donné, tu m'as fait, ben oui, Chris, c'est Neo Geo. Ouais, c'est ça, c'est tous ces gars, ces tripeux de Sega puis de Neo Geo là. Les Neo Geo en les Européens, là. C'est très européen, c'est ça. Ça pas gagné plus en France, ces trucs-là. Une autre affaire qui était un peu improbable, qui est annoncée, NAC 2. Ouais, moi et Caro, on capote. Full croque encore. Ah, Colin. J'ai vraiment capoté quand j'ai vu ça. Je croque. NAC, c'était-tu tough, cette affaire-là? Ça devient tough à la fin. C'était le fun, fait. Mais Colin qui était ouais, tough. Ouais, c'était tough. Mais c'est ça, c'est drôle parce que, tu sais, je sais pas si tu te souviens, toi, quand j'avais fait la critique à Monsieur ouais, Net, ouais. C'était vraiment, tout le monde était comme, what? Puis le monde comprenait pas pourquoi j'avais donné une bonne note. Puis là, je me rends compte en parlant que Christy, j'étais vraiment pas tout seul. Il y a plein de monde qui ont aimé ça. Non, c'est super le bon monde qui ont pas aimé, ils ont pas joué finalement. mais c'est ça, bref. J'ai pas joué encore. C'est super, c'est super le fun ce jeu-là. C'est vraiment le fun. Puis NAC, en fait, c'est Mark Cerny qui a fait ça. C'est vrai, ça a le fun encore. Le créateur de Crash Bandicoot, puis aussi l'architecte de la PlayStation 4. Fait qu'au départ, le premier, c'était un peu comme un. Les gens l'ont vu vraiment comme un tech démo de la PS4. Ouais. C'était un peu ça aussi par le biais. Ouais. Mais en même temps, il y avait un gameplay assez tight quand même. C'est sûr qu'il n'y avait pas une tonne de choses que tu pouvais faire avec le personnage, mais il voulait redonner un peu l'esprit des platformers du temps, même du temps du rétro où tu avais comme 3-4 pitons, 3-4 affaires, puis that's it, fini le jeu, tu sais. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais là, dans le 2, ils vont améliorer tout ça, ils vont donner beaucoup plus de moves. Quand tu vas jouer en co-op, l'autre personnage va pouvoir se faire frapper puis va pouvoir grossir, pareil comme toi. Dans le premier, quand tu joues en co-op, l'autre personnage, il est invincible. Fait que c'est le fun avec un kid, temps. Mais avec quelqu'un de ton âge, c'est un peu insultant. à moins que tu joues avec ta blonde. Ça peut être utile quand même. Ça peut être très utile. Ça peut te remettre à un mariage sur les rails. Ouais, exact. Moi, NAC, oh là là. Hey, ça va assez mal là. On joue à NAC. NAC a sauvé mon couple. En thérapie. Tant qu'on joue à NAC. En thérapie, tu joues à NAC. sur un divan. Une coupe d'annonce aussi qu'il y a eu, que j'ai pas de visuel, mais on va les passer rapidement. Ils ont dit que Resident Evil 7, la démo, elle est disponible. Oui, il y a une nouvelle démo. Ouais. Oui. Wipeout Remastered Collection, fait qu'ils ramènent tous les Wipeout sur PS4. Pour vrai, ouais. Nice, pareil. J'espère qu'ils vont, comme, je sais pas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la musique. C'est, en tout parce cas, que moi, j'ai les albums gravés de musique. Ouais. Parce que dans le temps, tu pognais le disque du jeu, tu le glissais dans un CD player, je pense, puis il y avait ça la marchait, musique. Ouais. Ça marchait, les tracks étaient là. Les tracks étaient là, c'est ça. Mais c'est Phaser, ça. Puis fucking Quasar, je me rappelle plus quoi. Là. Ah, mais non. Mais moi, je suis allé voir des vidéos de tout ça. Puis en fait, grosse affaire, c'est 4K, 60 frames secondes. Donc ça, c'est assez important pour du Wipeout. Mm. Puis, mais la musique, il n'y a aucune mention nulle part. Puis moi, je suis certain que c'est là qu'on va se faire avoir. Parce que avoir autant de musique licenciée pour ressortir ça, là, c'est. Je veux dire, c'est. Parce que là, il parle d'une collection. Fait que je sais pas si c'est lesquels qui vont sortir, mais pas sûr, moi, que tu peux avoir, tu sais, ton Aphex Twin puis Underworld puis tout ce batch-là, mon gars, pour des peanuts. Daft Punk, The Prodigy, tu sais. Tout est là-dessus. C'est des géants. The Future Sound of London. C'était tout du bon stock, ça, dans le temps. La pochette était silver. Ah ouais. Mais moi, je dois avouer, man, j'ai tout le temps comme mis sur un piédestal la franchise Wipeout. Ouais. J'ai jamais vraiment aimé ça. J'arrive pas à accrocher. Ben moi, c'est amour, jeu, hein, j'aime ça. Puis en même temps, je suis pas bon. Fait que... Parce que Wipeout, c'était l'air du temps. Tu sais, c'était moderne, le look. Même le design, tu sais, toi, t'as dû triper. Là, comme, moi, aussi, ça a pas de sens parce que c'était comme du le gros design. Moi, c'est le look. Ça... Tous les designs, c'est ça. Des logos des équipes, puis les vaisseaux, les pochettes, t'es comme, oh. C'était tout. Ça faisait genre des livres de design graphique. Exact. De dans le temps. Des années 80. Fin 90. Tu sais, la musique, le art de ça, c'était next level. C'était très artistique. Là. C'était intelligent. C'était à la mode dans le temps. Mais tu sais, moi, c'est en fait le dernier Wipeout que j'ai joué sans arrêt. C'était sur la PS3. Il avait ressorti un Wipeout. Ils en ont fait un sur Vita. Oui, sur Vita aussi, ils en ont fait un qui était très bon. Puis ce qui est le fun dans Wipeout, c'est les premiers tableaux. la première heure dans Wipeout, là, c'est une lune de miel, là. C'est fantastique, tout va bien. Puis à un moment donné, ils te mettent la réalité en pleine face, tu commences à te faire manger, là. c'est plus une expérience qu'un jeu, je trouve, Wipeout. Ouais, ben c'est un peu comme F-Zero. Ouais, c'est ça. Tu sais, F-Zero, ça va trop vite. J'ai jamais réussi à jouer à ça. Il y a un gros ça hype pour F-Zero, mais Chris, c'est j'ai tough, jamais là. Aimé ça, là. J'ai un Mage qui l'a fini. Ah ouais. Wow. Ouais. F-Zero ou Wipeout? Ouais, F-Zero. Il a tellement passé d'heures là-dessus, ça n'avait même pas cette patience. Ben, pendant que tu jouais à Nobunaga's Ambition. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais ça s'est fait des Equinox au Super NES. Mais c'était le gars qui finissait tous les jeux où ça demandait des réflexes. Ouais. Là, genre, il a fini UN Squadron, ça. Ça, je l'ai fini, par exemple. Ouais. Ah ouais, au Super NES. Moi, c'est ouais. comme zéro. Je l'avais loué, je l'ai fini. Mais j'avais joué beaucoup à l'arcade. Ouais, à l'arcade. J'étais arrivé Super NES. À l'arcade, on le finissait jamais. Moi, on le finit. Toi, tu l'avais fini? Je l'ai fini. Shit! Ouais. Ben, je l'ai fini bon, à fini son dans, arcade. Dans même, là. Mais pas fini, à l'arcade avec, à 25 cents. Je l'ai fini, mais pas avec toi. Non, c'est ça. Avec un bon joueur, ouais, c'était exact. Pas bon. Non, avec un joueur qui avait de l'argent. Ouais, c'est ça. Tu crevais, tu laissais faire un stretch, tu remettais ton 25 cents. Non, mais j'avais fini au Spanish. En location, en plus. Mais moi, je l'ai chez nous. Quand j'ai acquis ce jeu-là, je dis ah, bon, finalement, ouais. Chris. Ça, c'était un early release de Super NES. Je me demande même si c'est pas genre sorti en même temps que la console. Ouais, ça ralentissait quand il y avait trop de sprites ouais. dans l'écran. Ouais, oui. Oui. Le logo de Capcom sur la cassette, il est old school. Il est comme celui de Final Fight ouais. 1. Il est pas à jour. Puis là, j'étais content. J'ai acquis ça. T'sais, des années après. Là, t'entends la toune de Mighty No. 9. Là, ça, je raconte mon enfance. Puis j'ai fait le saut. Là, j'ai trouvé ça tough. T'sais, ouais. Vraiment, là, j'ai pas. Bravo. Ah, c'est pas tough. Le bonhomme qui tire les deux. Là. Ouais. C'est le gros monsieur. Là, ouais, le gros monsieur. Le vieux, là, le vétéran. Le vétéran, c'est lui qu'il faut que tu prennes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est noté. Right. Nick, je sais pas si ça va t'insulter. Akuma dans Street Fighter V. Non, je suis pas content, en fait. Non. Mais j'aurais mis Sagat. J'aurais voulu Sagat, mais Akuma. Ils sont pas là les deux, c'est quoi? Non, ils sont pas là dans Super Mario 5. Puis à cause que les ventes sont pas débiles, tu sais. Ah ouais, fait que là, ils ont rajouté. On va ramener un gros bonhomme, tu sais. Mais moi, je trouve ça plate parce qu'il y a déjà deux Shotokan, tu sais. Ken Ryu sont là, tu t'en vas mettre Akuma, c'est un troisième. Ouais. Il est différent, tu sais. Il fait des ventes, man. Ouais, j'aurais mis Cody ou j'aurais mis Sagat, tu sais. Ou ouais, mais ils vont pas t'écouter, toi, avec tes goûts obscurs. Non, ben Sagat, c'est pas obscur, tu sais. Il y a un marché pour. Ouais, mais personne le prend, Sagat. J'ai jamais vu personne comme jouer avec Sagat. Street Fighter 4, là, il était bien populaire. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok. Mais en tout cas, mais c'est une bonne nouvelle, fait que là, la saison 2 s'en vient. Moi, je dis, c'est encore le temps d'acheter le jeu, guys. Je veux qu'il y ait plus de communauté. Toi, t'es le gars qui pousse ce jeu-là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais c'est une belle nouvelle, honnêtement. Une autre fois qui m'a vraiment surpris, le retour de Parappa the Rapper. Ouais. Ah, sac! Ils font-tu un nouveau jeu? Kick and Punch is all in the mind! Ouais, c'est un remake. J'ai encore mon chandail de la manette. Ouais, moi aussi. Mais je sais pas si c'est un remake ou si c'est un nouveau, complètement nouveau c'est, jeu. Non, ils l'ont... en fait, ils ont refait le jeu, ils ont fait le graphisme du jeu. C'est juste bien dessiné, vectoriel maintenant. Puis c'est ça, c'était comme Parappa en 4K, mais c'est juste un quick cash-in là, pour le ramener. C'est pas nécessaire d'avoir Parappa en 4K, non, c'est le genre de jeu que c'est. C'est comme modder ton Atari en HDMI. Ça marche pas, là. Catégorie priorité, là. Mais je suis sûr qu'il monte en valeur, ce jeu-là aussi. Hein. Ouais, d'après moi aussi. Tous ces genres de hits cultes du PS1. Là, mais tu sais, sur PS1, sur le PlayStation Network, il y a Unjammer de l'ami puis Parappa the Rapper vendent vraiment beaucoup. Ouais. Fait que j'imagine qu'ils ont vu ça, ils ont vu cet engouement-là qui finit jamais puis ils se sont dit « Christy, là, on va le ramener pour essayer de refaire un autre jeu puis voir c'est quoi la réponse, tu sais, s'il est bien fait. » Parce que là, c'est juste du monde qui ont déjà joué qui jouent à ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est le fun. À moi, savoir si c'est toutes des déceptions du monde déçu. Ouais. Ah, oh, c'était de la merde, finalement. Ah, oh, c'était de la merde, finalement. comme Space Channel 5. Là. Ouais, c'est ça. Ah, oh, c'était horrible. Mais ils veulent peut-être, c'est ça. Moi, je vois ça un peu comme s'ils essayaient de ramener des mascottes pour monter aussi un peu ce ouais. Cette idée-là d'avoir des mascottes ben là, pour la PlayStation. Faut que ça soit un petit peu comme plus Nathan Jojo. Drake, là. Ouais, mais c'est ça. C'est pas aussi... juste genre épeurant, next level. Exact. C'est parce que, tu sais, il avait sorti PlayStation All-Star Battle Royale qui avait été un échec. Ouais. Oh my god. Puis, Je pense que c'était un peu l'idée derrière ça au départ. Il avait sorti ça, puis c'était en fait nous autres aussi, on va faire comme Smash. Puis finalement, ça a pas marché. Hey, Nintendo, ça... c'est le personnage, c'est de l'or. Là. Fait que je pense qu'ils veulent réussir la même affaire. Amphinobi, man. Je suis bandé en Amphinobi présentement. Ah, Amphinobi. Parce que j'écoute Pokémon XY sur Netflix avec mes gars. Ah, ben oui. Puis là, eux autres sont comme, OK, on l'écoute avec vous autres. Là, finalement, je suis comme hook. Je tripe, esti. J'écoute les Pokémon. Elles ont fait, papa, je suis fatigué. Non, non, pas tout de suite, là. Non, c'est ça. Hey, on écoute un troisième. Oh, je vais aller me coucher. Ta gueule, mange la merde. Est-ce que tu veux pour déjeuner? Mais non, j'adore. C'était mon starter sur Y. Ah ouais, on allait parler de ça. Hein? Non, non. Ouais, Pokémon Y, c'était mon starter, finalement. Dans le temps. Ah, je sais pas ce que c'est un starter, excuse-moi. C'était mon. Quand tu commences Pokémon, t'as le choix entre trois. Ok, Pokémon, ok, c'est ça. Ça revient tard, on est tous mêlés. Ouais. Excusez-moi. Ah, non, excusez-moi. Bon, ben, regarde, on. Regarde, pas focus, il y a plein de jeux. Il me reste 4 vidéos de jeux, en fait. Juste dire avant, il y a MLB The Show 2017 qui va sortir avec le retour de Ken Griffey Jr. à la tête d'une franchise de baseball. Ah, hey, tabarnache. Depuis le N64, je pense qu'il était pas dans les franchises. Au Super Nintendo. Il était très bon au Super Nintendo. Ah, ça, je sais pas, par exemple. Mais ouais, au Super Nintendo, il était super bon. Ils ont signé pour 40$, gentil. Hey, Ken, man, on a un deal pour toi. Puis un café bien chaud. Un café chaud. Sinon, ils ont annoncé Star Blood Arena. J'ai des images ici. Un jeu qui va être pour la PSVR. Ça doit être complètement débile de saigner des Star yeux. Star Blood Arena, je l'avais pas vu ça. Ouais, c'est un jeu en PSVR, ça, en fait. Ok. Je vais tellement me crisser de ça. Oh my god, ça va être épique. Tellement que comme je mettrai aucune attention. L'avez-vous la PlayStation VR? Moi je l'ai. Ah, moi je l'ai pas. T'es... T'aimes-tu ça? C'est spécial. Ouais. Honnêtement, tu sais, le jeu le plus drôle, c'est Job Simulator. C'est, ouais. Vraiment, oh, ouais, ouais. C'est vraiment épais. D'ailleurs, Conan O'Brien, il l'a essayé puis c'était assez drôle. Là, ouais. Mais tu sais, c'est à un moment donné là, tu perds la carte, tu perds le fait que c'est quoi ta réalité. Puis effectivement là, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui pourraient éventuellement avoir des sérieux problèmes avec ça. Ouais, exact. Mais est-ce que tu peux confirmer, on m'a dit que si j'étais myope dans la vraie vie, alors ma myopie serait pas corrigée là-dedans, donc je vais moi pas bien voir de loin. Ben, est-ce que c'est le cas? Moi, je joue avec mes lunettes. Fait que j'ai pas ok, tu joues avec tes lunettes parce que ouais, il faut jouer place pour lunettes, mettre tes lunettes. Ouais, hein. C'est ça, parce que le casque, la manière qu'il bouge, c'est ouais. Qu'il peut bouger comme ça. Puis t'as l'anneau qui tient ta tête là, sur okay. Ta tête. Fait que tu peux le bouger aussi comme ça. Ah, ouais. Pour les gens qui écoutent pas, tu peux l'ajuster ouais. Vers l'avant. Ouais, c'est ça. En audio, c'est super clair. Comme ça. Puis de même. Ouais, fait que c'est ça. Y a comme, vous avez comme la partie qui est lunette qui peut s'avancer, se reculer. Puis tu sais, il faut que tu le colles le plus possible pour éviter que tu vois à l'extérieur. Okay. Puis t'as le cerceau qui va autour de ta tête que tu peux jouer avec le diamètre. Fait que, puis honnêtement, c'est relativement confortable. Là, ouais. Ça fonctionne bien, c'est efficace. Là, savoir si les jeux vont être avec, là, ça, c'est l'autre chose. Ben, ouais. J'ai hâte de voir, mettons un VR avec un gun, genre une mitraillette que tu pourrais pogner, là, ça, je pense, à quelque part, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, ouais. Le problème, c'est que c'est toujours le déplacement. Là, ouais, tu vas péter tout chez vous. Ouais, c'est ça. Tes enfants te regardent de l'œil. Honnêtement, moi, tu sais, à un moment donné, je jouais, puis là, je me suis déplacé, puis je me suis enfargé dans mon divan. Là, ouais. C'est clair que si t'es tout seul, là, tu peux te blesser grave. Ah ouais. Y a pas personne qui va te ramasser. C'est une mort plate, là, tu sais, la balade. Le gars, il est mort. Avec le PlayStation VR, ça. Ouais. Un autre jeu pour le PSVR qui est annoncé, Ace Combat 7. J'ai des images aussi de ça. Oh my god, ça existe encore, ça? Ouais, puis ça, je regarde ça, puis je me dis, j'aimerais ça avoir le VR juste pour ça. Ça a l'air écœurant, pareil, pour des jeux d'avion là, que tu peux regarder à gauche et à droite. Là. Ace Combat, c'est le fun en Chris. C'est une vieille série. C'est vraiment ouais, bon. C'est une vieille Ace franchise. Combat. Mais ça elle marche tout le temps. T'sais, c'est pas une série qui a des mauvais scores, puis c'est juste pas grand monde ça qui en pas parle. Énormément. J'ai jamais joué. Non. Mais non, moi c'était je pense que ça va pas. C'était pas assez arcade à mon goût comme jeu de jet. Fait que je... Ben ouais, en VR devrait être vraiment pas pire ça. Oh oui. Intéressant. Non, c'est bon. Intéressant. Du bon stock. Sinon, des créateurs de Razor Gun, Next Machina. Ah, ça, ça a l'air malade, man. Voici les images. Ah, t'as une vidéo, yes. Réseau Gun. J'avais oublié que ça existait, cette fucking vidéo. Oui, Réseau Gun. Je vois pas le lien avec Réseau Gun du tout dans le trailer, là, mais... Ben, en fait, oui, parce que c'est... Ben, ouais. Peut-être pas Réseau Gun, peut-être plus Dead Nation, puis Alien Nation. Dead Nation, okay. Ah, Dead Nation, j'ai joué à ça sur ma Vita, par exemple. J'ai adoré, c'était tellement... Mais ça, c'est un twin-stick shooter, en fait. Fait que on a vraiment l'impression que c'est juste un animé, mais c'est un twin-stick shooter, puis ça va être vraiment... intense, c'est genre bullet hell gameplay, intense. Ça? Non, ça c'est pas le gameplay, c'est le gameplay. Je vois le Dead Nation. J'adore. Dedans. Ouais. Ah oui, ça, ça me parle ça, sérieux. Puis tu vois aussi comme tous les cubes puis les particules, ça c'est totalement leur engin de Réseau Gun. Dom, on le fera en let's play ensemble. Achète ça tout de suite. Ça va être malade. Et ouais, ça fais-moi va être un, fais-moi un beau café. M'a sorti le Porto 40 ans. Là. Ah ouais, le 40 ans, du vieux Chris. Le 40 ans. Mais c'est ça, ce qui est le fun, c'est que Housemarque, en fait, ça fait longtemps qu'ils font des jeux où t'as des vagues d'ennemis. Puis là, ça semble plus à être un quest où tu vas avancer, tu vas tirer du monde, puis tu vas avoir des boss, puis tout ça. Chose qui est quand même très intéressante ça, de leur part. Ça là. Me calme, Jeff. Tu sais, mettons, moi, je pense, quand je me couche, j'arrête pas de penser à fucking 1000 affaires. Ouais, puis j'ai la misère à dormir. Puis toi, avec, tu fais de l'insomnie. Mais je fais pas d'insomnie, mais... En tout cas, je comprends. Mais quand tu m'expliques, quand je me visualise dans ton divan avec des couvertes en polar puis un Porto 40 ans, relax, ça me détend, sérieux. Des fois, je pense à ça, puis là, je m'endors. Le pire, c'est hier soir, mon père a sorti un Armagnac 40 ans. Le pire, chez eux, puis j'étais crampé. Je suis waouh, OK, on boit vraiment un 40 ans en ce moment. Ah, oh, man. Parce que je vais avoir 40 ans bientôt, c'est pour ça. Bientôt. Oh, yes. C'est super loin. Là. Ouais. Ben, dans 3 ans. Hey, t'es moins loin que nous autres. Nous autres, c'est une question de mois. Pour une question d'heure. Hein? Ouais. Ça se compte en minutes. Ça clique. Toi, Ben, c'est vrai, Ben, t'as quel âge? J'ai 39. C'est... Mais on va sur 40. Là. Christ. Ouais. Quel mois? Juin. Toi, c'est juin. Toi, c'est quoi? Septembre. Ah, moi, c'est juillet. Fait que c'est moi le premier. Calique. Non, moi, le premier qui va mourir. Shit, c'est le premier qui va tomber. Tu sais que tu vas tomber d'une autre tranche d'âge dans les sondages. Ouais. Non, j'ai 40. Ah non, on veut pas votre opinion, monsieur. Fuck you. Vous êtes pas un baby boomer, vous êtes pas intéressant. C'est un expogné. Les dernières vidéos que j'ai, c'est Dreadnought, ça s'appelle. Le jeu, voilà. Dreadnought. Je sais pas comment le prononcer. Ah oui. Dreadnought. Rien à voir avec The Dreadnought Factor qui est paru sur Atari et Intellivision. Peut-être. D'un jeu d'Activision. Quand même. Christy. Ça, c'est Jagger. Ça vient de Jagger. Ah ouais, du bon Jagger. Yaromir? Ah, OK. Moi, je pensais que c'était mauvais. Fait que parle-nous-en, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Moi, je sais vraiment pas quoi dire. Je l'ai jamais vu, ce jeu-là. C'est dans l'espace, ça avait l'air beau. Je l'ai pris. C'est dans l'espace, il y a des météorites. On peut pas vraiment vaisseaux. Parler de Tadfer là-dessus, parce que... Non, il a pas travaillé sur ce projet-là. Peut-être que Tadfer a fait la boucane? Eux autres, c'est vraiment spécialisé forêt. Puis jungle warfare. Là. Ça semble être combat aérien antispatial puis sur des planètes. Ouais, en c'est fait, comme là. Battleship dans le ciel. Eh ben, Space. D8. Ça serait malade. Tu joues pis t'as une grille. Tu fais ça de D8. Tu lances un rocket. En tout cas, ça serait excitant. Ça a l'air superbe. On rit, mais Dreadnought Factor sur l'intellivision pis tout ça. La pochette, c'est un genre de vaisseau spatial de même. Okay. Il y a quelque chose avec le mot Dreadnought qui parle de vaisseau spatial. Ah ben, Christy, peut-être des affaires qu'on sait pas. Ils vont peut-être réussir. Your ship, your team, your victory. Ça devrait être en ligne. Ça Dreadnought. Ah ouais. C'est peut-être un émule de EVE Online en enlevant tout le côté gestion RPG. Ouais. À peu près. Hey, moi, il y en a juste un sur la liste que je shout out vraiment vite. Ni no Kuni 2. Ah oui, oui c'est vrai. Kingdom. Vraiment. Ça, on n'a pas d'image, mais je l'attends et j'ai adoré le 1. J'ai fini. Débile mental. Studio Ghibli dans les jeux vidéo. Là. More of this, please. Avec level 5 en plus. Ils savent clairement ce qu'ils font. Puis ça a donné un super résultat. Un beau petit jeu relaxant. Moi, ça me relaxait, Ni no Kuni. Tu jouais à ça. Puis c'était pas vraiment frustrant. Les combats. T'es pas trop dur, c'était correct l'apprentissage, peut-être un petit peu plus long, mais il te l'étalait bien, fait que super titre. J'ai hâte de voir ça, puis tu sais, en HD, probablement en 4K lui avec, 4K. Que je verrai pas sur ma TV, En 4K? Mais bon, ouais. Ah, aussi, t'oublies Nick, ils ont annoncé End of Fate 2, t'avais critiqué le premier, là, le deuxième va sortir, ça a l'air prometteur quand moins proche de... Ok, c'est ce que... End of Fate 1, ça m'avait pas tellement plu, c'était moins mon genre. Ouais. C'était très niche. Je pense que ce serait peut-être à ton tour, Bruno, de. Ça, Dom, c'est. Essayer pour le. The Dreadnought Factor à l'écran ici, un jeu d'intellivision. J'arrive pas à le faire focusser comme il faut, hein. Ouais, prochain local, on va pouvoir te mettre des images plus rapidement que ça dans l'écran. Ouais. Ça s'en revient. Mais hey, version spatiale. Ils ont aussi annoncé que Ease Origin s'en vient aussi sur PS4, PS Vita le 21 février. Ils ont annoncé aussi The Dawning de Destiny. Yakuza Danganronpa 6. V3 qui s'en vient. Yakuza 6 qui s'en vient aussi en Amérique. Yakuza 6, c'est vrai. C'est une grosse sortie, ça. MLB The Show 17. Avec Ken Griffin. Avec Ken Griffin. Il y en a un qui s'appelle Absolver. J'ai pas d'image. Je sais pas c'est quoi. J'ai juste noté Absolver? Le nom. Ouais. Tu résous des abs. Absolver. Absolver. Il y a aussi Near Automata. Near. Oui, c'est ça quand même. Far, ça, ouais. Non, mais. Near, ouais. Non, mais. Des jokes de Sesame Street. Near, c'était comme un gros RPG qui est comme super aimé des gens. C'est ça. Les gens. Non, mais il y a vraiment. Hashtag les gens. Il y a vraiment énormément de monde qui capote sur Near. Ouais. Il y a vraiment plein de monde qui capote sur Near. Ouais. C'est qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un hashtag, c'est comme hashtag. Pour les jeunes. Hashtag, ouais. Wow. C'est un peu genre Jimmy Fallon, je pense, qui a amené ça avec Justin Timberlake. Il a fait donc, Salvaille l'a fait sûrement à son show. Ah, sûrement. Voilà. Tout a été dit. Dans son petit sac, bon. Il pige le gag. Non, mais c'est ça. Oh, Christy, mais le ouais. Temps passe. Oui, le temps file. Le temps file. Oh, mon Dieu. Moi, j'aimerais dire à tout le monde d'aller nous rater sur oui. iTunes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rappel là-dessus, mais c'est quand même très important parce que ça nous aide beaucoup à monter dans iTunes puis à ce que les gens sachent qu'on existe parce qu'il y a encore du monde qui ne sait pas qu'on existe. Mais oui. Bruno... Qui ne savent pas c'est quoi Rétro Nouveau. N'y avait-il pas un concours? Oui, ça va être à la fin de tout. On va plug nos shit avant. On va le faire. Moi, je veux remercier les Patreons qui nous donnent encore. Oui. Merci à Jeff Gagnon qui a donné un bon montant récemment. Il vient de s'abonner. Oui. Fait que c'est le dernier des Patreons en ce moment. Le dernier des Patreons, prochain film que je vais regarder. Le dernier des Patreons. Ça, c'est-tu at Foaz66? Oui, c'est lui sur Twitter. Ouais, c'est un power fan, Jeff Gagnon. C'est un gros fan. C'est le seul gars qui a un t-shirt de RZO. Bientôt, ce sera plus le seul. J'ai un qui s'en vient en ce moment. Je n'ai commandé un parce que là, c'est quand même moi qui le fais. Puis d'ailleurs, il y a eu une grosse mise à jour de RZO en fin de semaine. Oui. Tous les podcasters ont maintenant un panneau d'admin pour aller mettre leurs propres images, gérer leur contenu. Fait que ça se peut que le site bouge un peu plus là, maintenant. Nice. Je me sens enlevé de la job en faisant un peu plus pour que le monde le fasse eux-mêmes. C'est une tonne de podcasts. Chacun a son panneau de contrôle maintenant. Fait que les bannières d'épisodes pourront être custom maintenant sur le site. Là. Nice. D'autres affaires qui s'en viennent pour ça, mais. Le pouvoir au user. Exact. Le pouvoir au user, moins à moi, ça fait du bien. Ouais. Hâte de voir ce que le podcast de Saint-Georges de Soft Sex va faire comme bannière. On les salue. Les douces folies de Nikki. Oui. On les plug à chaque show. Sérieux? Il va-tu? Ouais, c'est ça. C'est tu vas-tu filtrer ça, ces images-là? Parce que là, peut-être, tu vas avoir du contenu. Là, c'est ça. Il va falloir qu'il y ait du moniteur tout ça. Ça va finir en crossover un petit peu malaisant. Ouais. C'est ça. On va aller enregistrer à Saint-Georges. Là. Au pub du Saint-Tube, là. Boire une Moretti. Au pub du Saint-Tube. Avec des... j'ai bon. Quoi dire. Hey, ça va être malade. Ouais, bon, on est rendu au concours. Là, pour oui, on va faire le concours crois. Parce qu'après ça aussi, on va jaser un peu parce qu'il faut qu'il y ait du monde qui puisse répondre. Fait que Dominique, t'avais une question pour alors, le concours pour Final Fantasy XV. Alors, la personne qui va gagner Final Fantasy XV sera la personne qui sera capable de me dire quel jeu j'ai dit en blague qu'on allait gagner tantôt, un jeu d'intellivision. Oh. Ça avait 5 lettres. Ça commençait par... Hey, tu donnes trop d'indices. Ça donne trop. Fait que là, je vais monitorer les réponses pendant que... Ouais, on va laisser les Je les ai, moi, avec aussi. Si c'est trop compliqué, ben là, premièrement, Chris, écoutez ce que je dis. Ben ouais. Ouais. C'est pas trop compliqué. Non, mais il va y avoir qu'avec Crime, c'est un gros prix quand même. Là, faut que les gens se forcent. C'est un gros prix quand même. Suivez-nous sur Twitter. C'est un gros jeu d'intellivision. Ouais. Toujours. Notre Facebook spécialement. Là. Ouais, Facebook. C'est moi qui gère pas mal le Twitter, en fait. Bon, on a gagné déjà, Asti. Bon, ça y est. Facebook et Twitter. Oh, on a deux gagnants. Et RetroNouveau.ca. Alors, le gagnant, son nom est...